couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 19. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire à notre adresse email dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Enfin, vous pouvez vous inscrire aussi sur le site, sur le forum Europe Écologie Les Brins. Alors oui, nous avons entendu qu'il y avait des petits problèmes d'inscription. On travaille dessus rapidement, ne vous inquiétez pas. On a bien reçu vos emails sur le sujet. Ce sera corrigé dans la foulée. Si jamais vous avez des problèmes d'inscription sur eld.su, envoyez-nous un petit message qu'on corrige ça. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Il suffit juste de nous le signifier et on fait au plus vite. Donc forum qui permet de discuter relativement librement, somme toute, hein, quand même des sujets les plus chauds, hein, questions juives, révisionnisme, guerre raciale qui existe quand même, guide racial des villes, informatique, crypto, blabla, divers et variés sur tous les sujets. Enfin bref, on peut vraiment passer en revue des tas de trucs sur le sujet. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, bien évidemment. Avant d'entamer l'émission, je vais maintenant présenter les membres de la semaine. Notre petit noyau traditionnel, on va commencer tout de suite avec Vincent, qui nous fait le plaisir, encore une fois cette semaine, de nous rejoindre. Salut Vincent. Bonjour à Gandalf, et bonjour à toute l'équipe, et bonjour à tous les auditeurs. Je suis ravi d'être là aujourd'hui encore. Et aussi avec nous cette semaine, Sobieski. Salut Sobieski. Ave Gandalf, ave à tout le monde, et profitez bien du soleil, hein. Enfin, est avec nous Hydromel. J'espère que tu en bois beaucoup de l'hydromel, cher druide. Bonjour Gandalf, bonjour à tous et bonjour également à tous nos auditeurs. Ça me fait penser que j'ai appris une chose récemment, c'est que le chouchen, en fait, c'est de l'hydromel. Je pensais que c'était deux alcools différents, mais j'ai appris que c'était juste la manière de le nommer en Bretagne vis-à-vis du reste de la France. C'est juste, c'est tout à fait. C'est le chouchen, c'est l'hydromel en breton, exactement. Ouais, tout à fait. Donc je recommande la consommation, mais avec modération quand même, chers amis. C'est assez sucré quand même. Hein. C'est bien en apéritif, quoi. Ouais. Enfin, ah oui, bon. Ça passe très bien avec un Queen Amman. Hein. Ah, voilà, trop de sucre d'un coup là, ça. C'est super pour le régime. Ah bah là, après tu peux aller escalader le Mont Blanc. Hein. Tu pars de Queen Amman, c'est ok là, il n'y a plus de problème. D'accord. Alors messieurs, avant d'entamer l'émission, on va quand même remercier nos donateurs. Chers amis, si vous souhaitez soutenir l'émission, le site internet, le forum, à travers tous les obstacles qui sont dressés sur leur route, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire en utilisant les crypto-monnaies. Celle qui est à notre faveur, c'est bien évidemment Monero. Vous le savez, pour nos auditeurs et les plus aguerris. Donc Monero est une crypto-monnaie qui a la spécificité de porter à juste titre son nom, c'est-à-dire qu'elle est intégralement chiffrée et anonyme. elle garantit l'anonymat des personnes qui procèdent à des transactions par ce biais, à la différence d'autres crypto-monnaies. Et donc, parce qu'elle garantit l'anonymat, eh bien, elle protège ceux qui veulent nous soutenir. C'est le principal avantage. D'où l'utilisation de Monero. Ce n'est pas très sorcier, il y a un guide explicatif sur le site internet. Beaucoup d'auditeurs ont fait le petit effort, je veux dire technique, de se familiariser avec, avec cette crypto pour pouvoir nous soutenir. On les en remercie. C'est vrai que beaucoup de gens sont plutôt des adeptes de la carte de crédit. Hein, voilà, on rend la carte de crédit et ça roule tout seul. Mais dès qu'il faut... j'allais monter en qualité au niveau de l'anonymat, ça peut paraître un peu plus rébarbatif et pourtant ça vaut la peine. Donc Monero, familiarisez-vous avec cette crypto, je sais que je vous tarabuste, mais vraiment ça vaut la peine et ça en vaudra de plus en plus la peine. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent tous les mois, mais qui ne se manifestent pas, qui font le choix de ne pas dire qu'ils soutiennent le site, ne nous envoient pas d'emails. Mais on sait qu'ils nous soutiennent et ben, ça fait la différence, bien évidemment. Et il y a ceux qui peuvent nous écrire s'ils le souhaitent après nous avoir fait un don, notamment pour demander une vérification. Alors, nous sommes en mesure de pouvoir vérifier tous les dons qui ont été faits ces dernières semaines. Donc, si jamais on vous a oublié, s'il vous plaît, renvoyez-nous un petit email. Normalement, ça passe sans problème. Alors, voici les dons de la semaine, donc de personnes qui ont souhaité nous envoyer un petit message. Je commence, premier don. Bonsoir à l'équipe de démocratie participative. Pouvez-vous me confirmer la réception de 0,019 Monero en vous remerciant tout particulièrement Gandalf, Vincent et Sobieski pour les dernières émissions particulièrement instructives. Et c'est signé Radovan Forever. Alors Radovan, je confirme le don. C'est passé, c'est très bien passé. Aucun problème de ce côté-là. La transaction a eu lieu sans aucune anicroche. Merci pour tes encouragements. Don numéro 2. Bonjour à toute l'équipe d'EDP, je vous remercie pour votre travail, en particulier pour vos émissions, toujours aussi passionnantes et rafraîchissantes, particulièrement nécessaires. Dans ce monde de plus en plus clownesque, pouvez-vous me confirmer la réception d'un don de 0,28 Monero? Bonne continuation, CKL, et c'est signé Hansi. Hansi, cher Hansi, je confirme le don de 0,28 Monero, c'est très bien passé, merci pour ton soutien. Qu'on apprécie à sa juste valeur, et pareil, la transaction s'est déroulée sans aucun problème. Don numéro 3, bonjour, je continue à vous écouter. Alors ça c'est Fantôme, hein, qui est un donateur de l'émission, qui au fil des mois nous a soutenus. Donc je continue de vous écouter régulièrement, et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de don, je viens de vous envoyer 2 Monero. Si possible, diriger cet argent uniquement vers le forum EELB, c'est le seul moyen de bâtir une communauté participative. Alors le forum de toute façon consomme à l'année plusieurs milliers d'euros, puisqu'il y a des histoires de licences, etc. Bon, enfin, pas ces détails, et puis la maintenance technique. En plus, on doit normalement on espère pouvoir le faire passer intégralement sur Tor. Je n'ai pas de date par contre là-dessus, mais on veut normalement le faire passer intégralement sur Tor, toujours pareil, hein, résister à la censure, qui n'ira qu'en se renforçant. Alors, Fantôme continue, il ne suffit pas d'avoir des auditeurs et des lecteurs passifs pour résister sur la longue durée, on a davantage besoin d'une communauté active, avec des gens impliqués. J'essaie de profiter de mon don pour donner une information sur un sujet qui n'est pas si souvent abordé dans l'émission. Quoi dire, s'interroge donc Fantôme, à un prof de gauche, qui frappe à la base de notre conscience raciale avec l'idée suivante. Alors là, il cite donc, je pense, un prof, imaginaire ou réel, je ne sais pas. Les gènes ont beaucoup d'influence sur le physique, mais très peu d'influence sur l'intelligence. Je l'ai appris après 35 ans d'expérience comme prof. C'est vrai que le plus brillant élève qu'on a jamais vu dans notre grande école était un blanc. Il était clairement plus intelligent que le meilleur élève arabe qu'on ait jamais eu. Mais j'ai eu aussi, comme élève, la mère de cet étudiant exceptionnel, et je la connais assez bien. Elle est d'une intelligence juste légèrement supérieure à la moyenne. Une bonne partie de nos élèves arabes sont aussi intelligents que cette mère. Donc, sous-entendu, voilà, on a un génie blanc, mais j'ai eu sa mère à l'école. Sa mère était d'une intelligence moyenne, et nous avons, ou j'ai, en tant que prof, donc de gauche bien sûr, des élèves arabes qui sont aussi intelligents que cette mère, donc sous-entendu, c'est un peu la loterie, on ne peut pas établir un système prédictif sur cette base. Hein, voilà. Alors, ces faits peuvent être vrais, et c'est bien cela le problème. Donc, ce qui veut dire fantôme, c'est que oui, ce genre de cas peut arriver, et du coup, avec une exception, on peut comme ça essayer de faire dérailler l'argumentaire du déterminisme génétique ou racial. Car le prof peut tirer la conclusion suivante, qui est pourtant fausse. Nos Arabes sont aussi intelligents que cette mère, et ils pourront concevoir des enfants qui égaleront l'élève blanc, fils de cette même mère, qui est exceptionnelle. Dans nos milieux, donc de droite, sous-entendu, on sait de manière empirique que cela n'arrivera jamais. Il n'y a pas d'Arabes trop brillants dans nos écoles. Mais comment expliquer le phénomène génétique dont il a parlé, c'est-à-dire une mère intelligence moyenne qui a un fils qui est exceptionnel. Voilà. Comment expliquer ce phénomène de distribution de l'intelligence? Tous les gènes qu'une mère porte dans son sang ne sont pas activés, une partie de son bagage génétique n'est pas visible, mais il peut se transférer à son enfant. Avec un peu de chance, l'enfant peut activer ses gènes de bonne qualité qui étaient peut-être déjà manifestes chez ses grands-parents, mais pas chez sa mère, etc., etc. Alors, vous avez compris l'idée. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire là-dessus, en gros, sur la transmission de l'intelligence, les déterminismes génétiques dans la transmission de l'intelligence, quelle est la part de l'acquis et de l'inné, d'accord? Et est-ce que par rapport à quelqu'un, donc à un professeur comme ça, qui a des élèves de toutes les races, et qui vous dit « non, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas », il n'y a pas de règle préétablie là-dessus, c'est vraiment le hasard le plus total, on ne peut à aucun moment bâtir un système là-dessus. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire à Fantôme, enfin, des pistes argumentatives sur le sujet? Donc, celle de la distribution de l'intelligence, est-ce que c'est conditionné ou pas par la génétique? Est-ce qu'au sein des groupes raciaux, il y a un fil conducteur, etc. Est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus, se sent capable de répondre là-dessus? Oui, moi totalement. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que j'ai une très mauvaise nouvelle pour tous nos amis gauchistes, c'est que les recherches scientifiques actuelles, dans le monde entier, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, la Chine, partout. Bon, peut-être exception en Afrique, mais je ne suis pas trop au courant. Mais les recherches disent une chose, c'est que nous sommes à 100% déterminés par notre biologie, par nos gènes. Donc, mauvaise nouvelle, ça ne marche pas. Ensuite, la génétique, ça peut être assez complexe. Ça peut être assez complexe parce que s'il y a des histoires de, il y a des gènes qui se recombinent, d'autres, enfin, il y a des gènes qui sautent des fois une génération ou deux voire trois. C'est assez complexe, mais grosso modo, la génétique, on sait que sur une population, donc sur une certaine grappe génétique, on sait que ça fonctionne un peu comme partout. C'est-à-dire, c'est une courbe de Gauss. Alors, selon l'ethnie, la courbe de Gauss sera plus proche de 110 que de 80. Et encore mauvaise nouvelle, pour les Blancs, la courbe de Gauss, elle est plutôt proche des 105 de QI, même si elle a sûrement tendance à baisser depuis... Est-ce que tu peux expliquer un peu la courbe de Gauss pour les auditeurs qui ne seraient pas nécessairement informés? Alors, en fait, la courbe de Gauss, c'est vous prenez une population... Vous faites passer des tests et en fait systématiquement vous allez avoir donc une médiane qui va couper les résultats en deux et il y aura une en fait ça sur le graphique vous allez tracer un graphique avec les résultats, ça vous fera une cloche et en fait ça vous montrera qu'il y a des résultats extrêmement bas et des résultats extrêmement élevés sur les extrémités. Au milieu, vous avez ce qu'on appelle du coup les résultats moyens, enfin les résultats normés. Et systématiquement, en fait, vous avez cette courbe, elle va vous montrer que les résultats les plus importants sont moyens, seront plus élevés. Et. Enfin, c'est le gros des troupes. Voilà, en fait, c'est ça. Il y a une cloche, il y a le gros du volume qui est au milieu. Il y a les deux extrêmes, et en fait, quand on regarde le médian, c'est-à-dire voilà. Là où on trouve le plus grand nombre de sujets, ça va vous fixer voilà, la norme pour ce groupe, et en fait, on va pouvoir comparer en fait, les groupes les uns entre les autres, où se situe cette moyenne, cette norme. En fait, voilà. Exactement. Voilà. Exactement. Alors déjà, quand ce professeur fait une comparaison entre une femme blanche de 35 ans avec des élèves, j'imagine, qui ont 10, 15 ans, qui ont en dessous de 20, 25 ans, quoi. Déjà, en soi, c'est pas très fair-play, parce qu'en fait, vous savez tous qu'il y a ce phénomène qu'on appelle la sénescence. Donc, quand vous êtes frappé par la sénescence, vos capacités cognitives, elles ont tendance à baisser lentement sur le temps. Donc, surtout qu'en plus, comme on vit dans une société où nos capacités ne sont pas hyper sollicitées, bah forcément, c'est un peu comme un muscle aussi, des fois, et bah, ça a tendance à se flétrir. Donc, déjà, c'est en soi. Et surtout que les femmes, en plus, elles sont touchées par la sénescence bien plus tôt que les hommes, plutôt vers 25 ans, alors que les hommes, c'est plutôt vers 30, 35 ans. Donc, déjà, en soi, c'est pas fair play. Et ensuite, il faut justement comparer ce qui est comparable. Une femme de 35 ans, blanche, sera plus intelligente qu'une femme de 30 et globalement plus intelligente qu'une femme de 35 ans arabe. En moyenne, les maghrébins tournent autour de 80 de QI et les blancs, c'est autour de 103, 105 de QI. Donc, je veux dire, moi aussi, c'est la courbe de Gauss, quoi. Vous avez des résultats extrêmes, donc forcément. Moi aussi, je connais une femme maghrébine qui est ingénieure en astrophysique. Bah, très bien, mais sauf que ça ne veut pas dire que tous les maghrébins seront ingénieurs en astrophysique. C'est le résultat extrême. Et oui, il y a des crétins chez les blancs, oui, mais bon, a priori, les blancs sont moins crétins que les maghrébins. Donc, Oui, en fait, c'est ça, en fait. En fait, Ouais, voilà, le problème, c'est ça. C'est les raisonnements par ordre de grandeur. Sur quoi se focalise l'attention? Est-ce qu'on parle des ordres généraux, des moyennes, voilà, des moyennes par groupe de population, ou est-ce qu'on se focalise sur un individu en particulier, et sur la base de cette individualité particulière, on extrapole pour essayer de faire de par sophisme, en fait, on essaye de faire dire que, bah non, en fait, on ne peut pas établir de loi généralisante, et vous savez que il ne faut pas faire d'amalgame, hein, comme dit le slogan, donc on ne peut pas amalgamer les maghrébins. Pour le pire, en revanche, vous remarquerez qu'on peut facilement, aujourd'hui, amalgamer les maghrébins ou les noirs ou les juifs pour le meilleur. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand vous avez et les nazis pour le pire. Oui, bien sûr. Mais c'est ça. Par exemple, c'est vrai avec les gens du voyage, par exemple. Donc les gens, ce qu'on appelle les gens du voyage, qui est une espèce de néologisme en fait pour désigner les romanichels en fait. Hein. Moi d'expérience, ayant eu beaucoup à les fréquenter, de différents types, parce que vous avez des romanichels qui sont établis en France depuis assez longtemps, qui ne s'entendent pas bien d'ailleurs avec des tziganes ou des roms de récemment arrivés en France. Ce sont des populations qui ne s'apprécient pas franchement. Vous avez toute la doxa gauchiste là-dessus. Faut pas généraliser, faut pas faire d'amalgame. Pourquoi traiter ces gens en paria? Et on dit même, ah non, mais s'ils vivent comme ça en marge de la société, si ce sont des gens qui sont nomades, c'est précisément parce qu'ils sont rejetés. C'est archi faux. Quiconque connaît ces populations nomades sait que le nomadisme est leur mode de vie. C'est absolument leur mode de vie. Ils veulent vivre comme ça. Moi, je ne porte pas de jugement d'ailleurs là-dessus. Mais je constate que c'est leur mode de vie. Et c'est souvent lié à des comportements. C'est-à-dire que quand vous volez, vous aimez déguerpir assez vite. Et ces gens sont des voleurs. Les romanichels sont des voleurs, mais je veux dire, ataviques. Mais c'est des voleurs qui peuvent avoir un peu leur charme à leur façon. Quand vous discutez, quand vous connaissez quelques-uns, moi j'ai eu sympathisé avec certains romanichels. D'abord, ils assument totalement leur qualité de voleur, mais il y a des codes. C'est-à-dire que si vous sympathisez avec certains romanichels, alors il y a des codes pour sympathiser avec eux, ça ne se fait pas comme ça. Et d'ailleurs, comme vous savez, avec les gadjo, comme vous savez, hein, donc c'est comme chez les juifs, il y a les goïms et les juifs. avec les Romanichels, c'est pareil, hein, donc il y a les Romanichels et les Gaggio, donc ceux qui sont pas des Romanichels. Il y a certains codes quand même où on peut avoir validation généralement qui se traduit par la reconnaissance du patriarche qui gère un camp de Romanichels. Et ça se fait après des années et des années d'interaction, voilà, tout ça est très codifié. Ce sont des gens qui, en privé, en fait, reconnaissent totalement être des voleurs. Mais totalement. C'est-à-dire que c'est les gauchistes qui bâtissent des théories fantastiques, qui idéalisent ces gens-là. Eux-mêmes ne s'idéalisent pas du tout. Hein. Donc, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le logiciel égalitariste, voilà. L'humanité est une, unique, avec les mêmes qualités. Et donc, on peut en attendre strictement la même chose partout, peu importe l'endroit du globe, ce qui est archi faux, bien sûr. Mais c'est la même logique. Donc, quand vous mettez un grain de sel dans la machine égalitariste, c'est par l'exemple, en fait, quand vous sortez comme ça, quelqu'un vous montrez que que l'humanité est hétérogène, que les caractères sont très différents par individu et par groupe, n'est-ce pas? Là, ça ne va plus. Hein. Là, ça ne va plus. Le militant égalitariste, généralement un blanc, en fait, commence à éprouver une très forte angoisse au contact de ce type de discours. C'est là que très très vite dans la discussion, d'ailleurs, ils vous traitent de facho. Hein. C'est le réflexe. Hein. C'est voilà, c'est qu'il n'y a pas de discussion, en fait. Mais les populations concernées sont finalement assez conscientes de leurs propres qualités, leurs propres défauts, hein, en vérité. Hein. Tout ça est quand même très souvent un jeu de dupes. Alors, pour ce qui est... Oui. Vas-y, Vincent. Oui, parce que moi, les Romanichels, j'en ai rencontré en prison. Et j'écrivais leurs lettres. Donc moi, j'étais le bon Gaggio. Hein. Ils disaient bien, ils m'aimaient beaucoup, parce que je leur rendais des services. Et alors, ils m'ont fait des aveux extraordinaires. Et tu as tout à fait raison, Gandalf. Ils me disaient, on est des voleurs. Et ils m'expliquaient leur technique de vol, d'ailleurs. Ça a été des choses passionnantes, hein, passionnantes. Quand ils me disaient... Vous savez, quand on est dans un village, qu'on est établi pour un peu de temps, qu'est-ce qu'on fait? On mate le boulanger, parce que c'est lui qui a le plus de fric en liquide. Et on mate jusqu'à ce qu'on voit le jour où il va à la banque. Comme ça, on va pouvoir le cambrioler la veille. Et on fera un bon butin. Et à un moment, il me disait, quand on fait plein d'arnaques. Par exemple, on dit aux gens, ah, votre toit, il a de la mousse. On va nettoyer avec un produit spécial qu'on fait payer très cher. Puis il me dit, bon, c'est pas du tout un produit spécial. On met un peu de Javel dans l'eau pour que ça sente un peu. Puis c'est rien du tout. Il me disait aussi, par exemple, on rentre chez des grands-mères et on leur dit, on vient pour des matelas. On vient pour des matelas. Et alors, ils ont avec eux comme des poux ou des puces, etc. Pendant que la grand-mère voit pas, hop, ils mettent les puces ou les poux dans le matelas. Ils disent, oh là là, regardez votre matelas, il est, oh, il est infesté. On va vous en donner un nouveau. Et en fait, ils le prennent, ils enlèvent les trucs, ils l'échangent avec un autre qu'ils ont pris chez quelqu'un. Ils me racontaient tout ça. Et à un moment, ils m'ont dit, Vincent, si un jour, t'as des gens comme nous qui veulent travailler chez toi, ne les laisse pas rentrer. Voilà. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Hein. Et ils m'ont donné des tas de trucs. Les réservoirs d'essence coupés en deux pour passer de la drogue. Tous les trucs comme ça. C'était leur technique pour faire démarrer les voitures. Et voilà, ils me disaient, on est des voleurs, c'est en nous. Et j'ai discuté vraiment complètement librement avec eux. C'était super intéressant. Hein. Je confirme à 100% ce que tu as dit. Ils ont parfaitement conscience de ce qu'ils sont. Hein. Il y a que les voilà, il y a que la gauche pour dire non, pas du tout, c'est des préjugés. Ah ben alors là, attendez. Hein, moi, si j'avais un débat avec un mec de gauche, je dirais moi j'ai été en tôle. Hein, et ben je sais ce que c'est. Hein, je les ai vus. Voilà. Merci. Non, non, mais j'avais un bon ami qui s'est retrouvé dans les mêmes conditions que toi, il était en tôle. Il a sympathisé avec les un des pontes des Romanichels dans ma région d'origine. Et alors, ils étaient ensemble en prison, et comme toi, il faisait ses courriers. Ses courriers à lui et ses courriers à... Et il se rendait utile comme ça. Et alors, il a noué la sympathie. La confiance s'est installée. Quand il est sorti de prison, il a continué à garder les liens avec ces gens-là. Et donc, ils l'ont mis un peu dans la confidence. Lui, il faisait des visites de courtoisie, etc. Et il se trouvait que, comme il avait de longue date, il allait en Roumanie. c'était un pays qu'il aimait beaucoup. Il connaissait aussi quelques Roms donc de Roumanie. Et donc, comme ça, il se déplaçait assez bien dans ce milieu-là. Et moi, à cette occasion-là, d'ailleurs, j'en ai rencontré. Hein, voilà. Alors, eux, c'était des Romanichels qui avaient été sédentarisés. Parce que ça, c'est le truc qui est à s'arracher les cheveux avec la République française et le logiciel jacobin. C'est-à-dire que l'État français veut créer du citoyen. Vous savez, c'est cette espèce d'être déraciné, normé, sans attache, si ce n'est sa fidélité à l'égard de l'État. Voilà, ça c'est le qui préfigure l'homme soviétique d'ailleurs. Et alors, leur obsession avec les Roms, les Tsiganes, les Romanichels, etc., c'est de les sédentariser. Et de force, hein, alors de force entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas la gendarmerie pour les forcer à rester à un endroit précis, mais par un jeu d'intéressement, par des subventions, l'offre de logements gratuits, etc., on cherche absolument à les fixer quelque part. Et alors ils ont sédentarisé comme ça, ce qui autrement aurait été ni plus ni moins que des tribus. Des tribus en caravane, vous voyez, vous avez le patriarche, vous avez les familles, etc. Voilà. Mais ils cherchent à les fixer impérativement. Et ça, c'est une tournure d'esprit, hein. C'est une structuration mentale qui existe en France, chez les Français, hein, qui est de transformer les peuplades étrangères en une copie de soi-même. Donc c'est le logiciel égalitariste, hein, c'est-à-dire que l'autre doit devenir ce que je suis. Les Français sont des fanatiques de ce truc, hein, sont des fanatiques absolus de ça. L'humanité est unique, elle fonctionne de la même façon, elle doit être coulée dans le même moule, et s'il y a des aspérités, etc., ces différences doivent être absolument détruites, concassées, par ce qu'on appelle donc la machine à assimiler républicaine. Et donc, encore aujourd'hui, l'État français essaye de digérer des populations comme ça étrangères pour en faire des citoyens, entre guillemets. Ce qui ne veut rien dire, mais bon. Et ils y croient énormément. Alors, évidemment, les populations en question, ils s'en amusent phénoménalement. Parce que vous pouvez fixer, vous pouvez sédentariser un Romanichel. Mais le Romanichel, après des siècles et des siècles et des siècles d'errance, reste un nomade. Intérieurement, il reste un nomade. Et donc, il a des comportements de nomade. Vous voyez ? Donc, il ne s'intégrera jamais, il ne s'assimilera jamais, vous voyez ? Mais les autres sont possédés par leur idée et ils refusent de s'en départir. Vous pouvez montrer de 15 façons différentes que ça ne fonctionne pas. Ils vont dire, non, mais si ça ne fonctionne pas, c'est qu'on n'a pas mis assez de moyens. Vous voyez ? C'est un peu comme les Shaddock, vous voyez ? Et il continue à pédaler, vous voyez, c'est exactement ça, quoi. Alors, vous avez dit, on s'écarte un peu du courrier de notre auditeur qui disait, mais vous savez, l'intelligence, il n'y a pas vraiment de règles. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez, comme disait Sobieski, montrer une courbe de Gauss. Vous pouvez dire, écoutez, on a fait des tests de QI sur cette population-là. Oui, on va trouver quelqu'un de très intelligent parmi la population maghrébine, on va trouver des personnes très intelligentes, mais elles seront en nombre infinitésimal. Mais elles sont très intelligentes, effectivement. Et ces gens très intelligents auront des résultats bien meilleurs que des blancs qui viennent plutôt du bas de la courbe. Hein, voilà, pas très brillants, pas beaucoup de suite dans les idées. Mais ils vont être complètement... ils ne vont pas en démordre. C'est-à-dire qu'ils vont dire, voilà, j'ai mon maghrébin qui a Bac plus 8, qui est docteur en quelque chose, je ne sais pas, en mathématiques, ouais, voilà. Ça, c'est la preuve que tous les maghrébins peuvent devenir docteurs en mathématiques. Et comme j'ai un cas social blanc qui est con comme une table à côté, c'est la démonstration qu'on ne peut pas établir de règles. C'est faux, c'est du sophisme, mais ils n'en démordront pas. Et le cas des Romanichels, c'est vraiment flagrant. Mais oui, ils s'en amusent, et je disais donc le Romanichel reste un nomade même quand il est standardisé, parce que ses comportements ne vont pas changer, il va rester un voleur, mais il va affiner sa méthodologie. C'est-à-dire que le camp de Romanichel va être standardisé généralement dans une barre HLM, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas les séparer. parce que les Romanichels vont insister pour ne pas être séparés. Ils vont dire non, non, ah non, vous n'allez pas nous séparer. Nous, on est une fratrie, voilà, vous n'allez pas nous disperser. Hein. Alors, les services sociaux disent non, non, non, bien sûr, évidemment, on ne va pas vous séparer, on va vous mettre. Voilà. Alors, ce qui fait que vous avez un camp de Romanichels permanent dans une barre HLM qui va s'établir là pour 50 ou 70 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les cousins qui sont pas sédentarisés, ces barres HLM, à quoi servent-ils ? Eh bien, de base de repli. C'est là où on va planquer le fils d'un tel qui a fait un coup dans telle région, etc. Voilà, et les caves vont planquer du matériel, je sais pas, des machines à laver qui ont été volées à droite ou à gauche, des métaux précieux qui ont été volés, etc. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Voilà, il faut quand même regarder à quel point l'obsession française de Jacobine, hein, qui est de vouloir mouler tous les individus enfin de produire un individu unique sur une même base alors que ça ne fonctionne pas. Voilà. Ça, c'est une matrice intellectuelle et malheureusement, et c'est ce qui est en train de détruire la France. Hein. Les Français, enfin je veux dire, surtout dans l'éducation nationale, parce que c'est très prégnant dans l'éducation nationale, ça, enfin le système de l'éducation nationale est bâti sur cette approche de l'être humain, c'est conçu là-dessus. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, les Roms allant d'une ville à une autre, enfin, pas les Roms, mais les Romanichels allant d'une ville à une autre, on en avait. Alors, c'est des populations qui sont globalement délavées, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont mélangés. Ils sont mélangés avec... Il y a des Français, comme ça, qui sont agglomérés, ils ont fait des enfants ensemble, etc. Et au bout de 2-3 générations, c'est... Ils ont un peu de sang gitan, mais en même temps, ils ont du sang français. C'est des populations qui sont métissées. Hein. Mais le caractère nomade est très profondément enraciné. Mais les professeurs nous disaient, ils insistaient sur ce point, ils disaient non, non, non, il ne faut pas dire du mal de ces gens-là. Ne dites pas de mal de vos petits camarades. Alors, on savait, parce qu'on nous le disait, ils sont là pour 2-3 mois. Donc ces gens, ils étaient de passage à chaque fois. Et alors, ils venaient là dans la classe. Ils foutaient jamais rien en classe. Ils n'étaient pas intéressés. Leur esprit était déjà ailleurs. Et ils étaient constamment... Comme en prison. Oui, voilà. Mais ils étaient constamment ensemble. Hein, donc, ils ne se séparaient pas. Et je me rappelle, c'est la première fois... Et comme en prison. J'étais à l'école primaire. C'est la première fois qu'on m'a mis un opinel sous le nez. C'est-à-dire que les gamins, ils avaient 7 ans. Ils avaient déjà la culture du couteau. Et je sais plus, parce que, vous savez, les gamins se donnaient la main pour aller à la cantine. Et ceux-là, ils sont toujours en train de faire du bordel. Et alors, je ne sais plus ce qui s'était passé, quelqu'un avait dû dire. Et il avait sorti son couteau comme ça. On ne peut pas les changer. Voilà. Donc, et ben, tu vois, justement, moi, je vais pouvoir embrayer là-dessus. Parce que, justement, l'intelligence est génétique. Et l'intelligence est d'ailleurs liée à l'agressivité. C'est-à-dire que les populations les moins intelligentes, désolé, c'est factuel, mais sont plus agressives. En tout cas, ils ont une agressivité stupide, c'est-à-dire que ils vont vous attaquer sans réfléchir. C'est très lié. On a pu l'observer, et justement, c'est un truc qu'on observe aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, il y a tout. Vraiment, lisez des articles sur les États-Unis, etc. Vous avez tout. Vous avez tout. C'est une expérience à grandeur nature les États-Unis. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'aux États-Unis, les QI les plus bas, bah, c'est les Afro-Américains. Et que les Afro-Américains, c'est ceux qui sont les plus pauvres, c'est ceux qui sont les plus criminels, c'est ceux qui se droguent le plus. Ça n'en finit plus. Alors que les types, ça fait 400 ans qu'ils ont été ramenés au pays. Les Mexicains, enfin en tout cas les Latinos, qui sont plus récents, de 3-4 générations, ils s'insèrent mieux, ils réussissent mieux que les Noirs. C'en est tel que dans les universités américaines, ça avait fait scandale en 2016, je crois. En tout cas, il y a plusieurs années déjà. Il y avait ce scandale comme quoi certaines universités rajoutaient des bonus, je crois 200 points de bonus pour les Latinos et 600 ou 500 points bonus pour les Noirs, et un point malus pour les 200 points malus pour ou 300 pour les Asiatiques. Donc ils sont marrants tous ces profs gauchistes, parce que en France on est aveuglé par ce notre universalisme, mais un universalisme du nivellement, hein, c'est-à-dire qu'on veut, on veut rendre tout le monde pareil, mais par le bas, si vous voulez. Alors que, bah, aux États-Unis, c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, c'était pas le cas jusqu'à récemment. Et donc là, on a la preuve. Je suis désolé. Pourquoi est-ce que les universités américaines appliquent des malus aux Asiatiques et des bonus aux Noirs? Je veux dire, après ça, c'est plus possible de nous expliquer que non, on peut rendre les Maghrébins aux autres intelligents. Non, non, non. La preuve, c'est qu'on on abaisse le niveau de l'éducation nationale pour ces gens-là, parce que forcément, quand vous faites venir toute l'Afrique, et bah après, et bah c'est compliqué, ils n'arrivent pas à suivre les programmes, et donc évidemment, comme on disait, il y a forcément des gens qui vont sortir du lot et qui vont aller loin, mais sauf que c'est une minorité. Sinon, la plupart, bah, ils vont garder leur intelligence basse, et du coup, on abaisse le niveau. Et en faisant ça, en fait, on fait juste abaisser le niveau des blancs. Mais c'est parfait, parce que pour l'universalisme français, ce qui compte, c'est d'être au même niveau. C'est tout. Et donc, peu importe si on abaisse. On avait beaucoup de choses. Il y a plein de choses qu'on pourrait reprocher à l'Union soviétique. Mais l'Union soviétique avait au moins comme mérite de vouloir faire monter globalement. C'est-à-dire qu'on pensait que les prolos étaient intelligents et qu'il fallait juste leur donner ce qu'il faut. En France, c'est l'inverse. On se dit non, mais de toute façon, ce qu'il faut, c'est abaisser. Et donc, le type qui est intelligent, ben non, on va l'abaisser. Et c'est tout ce qui se passe, en fait, dans ce pays. Ouais, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Sobieski. Je crois que plus ou moins, personne ne conteste que les blancs européens réussissent mieux les tests de QI. Mais ils vont toujours trouver des... Bon, ok, vous êtes intelligent, mais c'est au service du mal. Nous, on a un meilleur cœur, on a plus de vertus. Par exemple, ils peuvent te dire aussi... Il y a d'autres critères qui peuvent rentrer en compte. Ok, à titre individuel, on va réussir des tests, mais il y a d'autres critères qui devraient être pris en compte. Par exemple, ils se multiplient plus que nous. Alors nous, on a peut-être des QI à 3 chiffres, mais pas d'avenir. Et comment dire quoi d'autre? Et en intelligence collective, par exemple, bah les musulmans, ils s'appuient sur le Coran. Il y a des préceptes, ils se voient toutes les semaines, tous les ans, ils ont les mêmes rituels. Au bout du compte, si on prend les différents critères en dehors du test de QI, ben tout d'un coup, le blanc, c'est pas forcément celui qui l'emporte à la fin. Il suffit pas de... Justement, c'est là-dessus que je suis pas. Encore une fois, aux États-Unis, on peut voir l'opposé. C'est que justement, en Europe, les blancs, ils sont atomisés. Aux États-Unis, il y a des communautés de blancs. C'est ceux d'ailleurs qui sont attaqués par le système, par les démocrates, Soros et tout, etc. C'est les blancs, chrétiens, etc. Donc, eux, ils maintiennent leur cohésion et ils existent et ils continuent à exister. Et c'est eux qui disent non, on ne veut pas mourir. On ne veut pas mourir, on ne se laissera pas mourir. Et justement, et c'est la preuve, justement, c'est que ces gens-là, sont, en général, en plus, sont pauvres. La criminalité est proche de zéro. Les Noirs, avec un niveau de pauvreté identique, c'est la criminalité la plus, c'est une criminalité folle. Et aux États-Unis, les Noirs ne sont pas musulmans, la plupart, ils sont vaguement chrétiens. Non, en fait, ils sont athées. Enfin, ils sont rien du tout, c'est du nihilisme. Et là, justement, on peut voir la chose suivante, c'est que le criminalité est élevé et que c'est très décadent. Donc la différence, je pense, c'est encore une fois, c'est ça, c'est que en France, nos métèques, ils ont l'islam. Nous, ici, on a que les blancs sont athées. Sauf que le blanc, il a une spiritualité, il a un ciment religieux, voilà, au sens de spiritualité, sociabilité et un but d'existence. Là, le blanc, il retrouve ce goût de vivre. Et ce qui donne ça aux États-Unis, c'est-à-dire des communautés de blancs et ils savent très bien s'organiser pour survivre. Pareil, moi je pense notamment aussi à le cas en Afrique du Sud. Non, l'Afrique du Sud, je veux dire, les types ils sont cernés par des noirs depuis un moment. Et pourtant, vous avez ce petit village là, Orania, qui survit et qui augmente d'habitants. Moi, je dirais à ce prof gauchiste, je lui dirais, monsieur, moi, je trouve scandaleux qu'il y ait un document carrément raciste qui circule librement. Vous savez ce que c'est ? Ben, c'est la carte des prix Nobel. Il y a pratiquement que des blancs et des jaunes. Expliquez-moi et des juifs, pourquoi. Hein. C'est vraiment raciste, hein. C'est scandaleux. Hein. Mais vous allez dans la recherche, ben, quand chaque année vous avez les prix Nobel, ben, vous avez que des blancs et des jaunes pratiquement. C'est vraiment raciste, c'est scandaleux. Bon, on peut pousser plus loin, ben, on peut pousser dans le dépôt de brevets. Ils te répondront. Enfin, le dépôt de brevets, bon, c'est pas... C'est pareil, c'est un indicateur très général, puisqu'en fait, on peut multiplier les brevets. Enfin, on peut quand même faire le tri dans les brevets, et trouver, on va dire, établir des critères sur la pertinence des brevets, etc. Bon, on voit quand même que, grosso modo, il y a trois pôles de production de brevets. Il y a le pôle nord-asiatique, il y a le pôle européen, et puis il y a le pôle nord-américain. Voilà, sorti de là, il n'y a rien. C'est le néant, c'est le désert, il ne se passe rien. Pas plus en Amérique du Sud qu'en Afrique, il n'y a nulle part. Bon. Donc, en fait, puis regardez l'Afrique avec Troposphère 5, leur, oui, ça, c'est... leur fusée, c'est vraiment... Mais non, c'est mais voilà, voilà, c'est-à-dire que bon, il y a quand même des réalités biologiques, et c'est ce qui est nié par de véritables religieux, parce que ce sont les religieux de l'égalité qui est une... Alors, oui, on peut... on devrait faire peut-être la généalogie de l'idée égalitaire, d'où vient-elle, comment a-t-elle évolué, bon, ça serait très intéressant certainement, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a ceux qui adhèrent au mythe de l'égalité humaine, c'est-à-dire pour lesquels l'humanité est un bloc dont chaque partie, donc chaque individu est réductible à l'autre, donc c'est ceux qui croient en l'égalité réelle entre les individus, puis il y a ceux qui actent de l'hétérogénéité, de la différence fondamentale qui existe entre les individus et ensuite entre les groupes d'individus, qu'on peut mesurer, hein, on peut mesurer l'intelligence, il y a des tas de façons de mesurer sous différents critères d'ailleurs, voilà. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que pour autant, et ça c'est là que le notamment l'homme de gauche intervient, il dit ah oui mais là, ah oui mais vous allez, oui, vous voulez souligner des différences parce qu'en fait vous haïssez, c'est-à-dire qu'on fait rentrer l'émotionnel, voilà, on vient vous dire ah non mais parce que vous allez enfoncer un coin, pensez-vous dans la communauté des hommes, vous allez pouvoir justifier la haine que vous éprouvez pour tel ou tel, ça n'a rien à voir. Et on sait où ça a mené, et fatalement. Donc, et là c'est le procès du racisme, etc. Ce qui n'a rien à voir, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des groupes raciaux qui n'ont pas de qualité, voilà, qui sont telles qu'on les admire, pour lesquelles personne n'éprouve de haine. Je donne un exemple. Les Polynésiens. Ils sont sur leur île, ils ont les cocotiers, ils ont leur totem, ils ont les vahinés, etc. Bon, voilà, personne n'éprouve de haine pour ces populations. Personne n'a envie d'aller envahir les îles du Pacifique pour aller les exterminer jusqu'au dernier. Pourtant, on constate que ces populations sont différentes, ont des qualités propres, des défauts propres, et qu'on ne doit pas en attendre excessivement en termes de réalisation de production. Voilà, c'est tout, c'est une donnée. Donc non, c'est pas parce que vous constatez non seulement des différences, mais voire aussi des défauts, des incapacités, que vous voulez haïr ces personnes, parce que là on bascule dans le thème de l'émotion, hein. La haine est une passion, voilà, donc ça n'a rien à voir, c'est un constat empirique. Oui, ben d'ailleurs justement, en fait, tu peux même reconnaître des qualités à certaines populations. Par exemple, moi je peux reconnaître aux Polynésiens d'être de très bons guerriers, ils font de très bons militaires, ils sont disciplinés, donc ils ont des qualités là-dessus. Je veux dire, c'est pas grave, je veux dire, il y a des peuples qui ont comme qualité l'intelligence, d'autres autre chose. Voilà, donc... C'est-à-dire que c'est différent, il faut acter des qualités, d'ailleurs dans le national-socialisme, parce que là il y aurait beaucoup de choses à dire sur le racisme du national-socialisme. Ce qu'on prête aux nationaux-socialistes, en fait, un seul projet, c'est de détruire les gens qui ne sont pas comme eux. C'est-à-dire, en gros, des Allemands. C'est absolument faux. Enfin, je veux dire, il y avait tout un département d'études raciologiques qui s'attelait à comprendre les différences entre les populations, mais dont les spécialistes n'avaient à aucun moment de production appelant à se débarrasser de telle ou telle population. Ça n'a rien à voir. Simplement, le national-socialisme actait d'un principe simple les différences entre les populations. Et effectivement, dans le champ des études académiques, dans l'Allemagne national-socialiste, il y avait toute une série de spécialistes qui s'intéressaient aux différences entre les hommes, etc. Et c'est la politique, c'est sous un aspect politique que ces différences ont parfois peut-être été mises en avant. Adolf Hitler d'ailleurs disait, moi, vous comprenez, vous savez, si on a souligné comme ça certaines différences, c'est parce qu'il fallait un peu qu'on réveille le peuple allemand, qui avait tendance à s'endormir, à être apathique, etc. Il fallait qu'on réveille en lui un certain sentiment de fierté nationale. Donc il fallait qu'on, voilà, qu'on souligne un peu comme ça les qualités qui lui étaient propres, etc. Mais Adolf Hitler le disait aussi, voilà, il n'y a pas dans le national-socialisme quelque chose d'intrinsèquement hostile aux autres peuples, aux autres races. C'est pas du tout ce qui meut le national-socialisme allemand. Pas du tout, je veux dire. Et d'ailleurs, il y a eu toute une série de spécialistes allemands comme ça qui ont apporté leur pierre aux analyses ethnographiques, etc. C'était de l'empirisme pur, hein, c'est l'empirisme pur. Voilà. Mais maintenant, le problème que nous avons, et c'est ce que traduit l'exemple de notre auditeur, c'est qu'il est interdit, sous peine de sanction, de contester le dogme de l'égalité totale de l'humanité, c'est-à-dire de l'une et indivisibilité de l'humanité, sous aucun aspect. Parce qu'après tout, on peut dire, voilà, oui, oui, l'humanité, ça existe, mais il y a des différences. Il y a des sous-groupes, etc. C'est interdit. Donc si vous essayez d'établir un lien entre origine raciale et quotient intellectuel, là, c'est la peine de mort sociale, je veux dire, et professionnelle. C'est très clair, c'est très clair. C'est interdit. Parce que, et je crois que ça... Alors pourquoi ? Moi, j'ai une thèse là-dessus. Alors, c'est où ça a mené ? Oui, mais j'ai une thèse là-dessus. Voilà, il y a ça, parce que c'est ce que tu expliques, hein, très bien, tu avais expliqué dans l'émission la dernière fois, c'est-à-dire qu'on analyse le présent à l'orée des expériences passées. Donc, si on dit que l'Allemagne national-socialiste a exterminé X millions de juifs parce qu'ils étaient juifs, c'est-à-dire parce qu'ils étaient différents, ah bah oui, voilà, vous soulignez différence, donc forcément, ça va nous mener à la chambre à gaz, parce que, voilà, l'expérience nous prouve que... Bon, ça, c'est un premier point, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est lié à ce mécanisme psychologique que tu avais souligné la dernière fois, et qui est très juste, c'est celui aussi du traumatisme du conflit en tant que tel. C'est-à-dire que je crois que nous sommes en Europe, l'Europe est profondément traumatisée par la guerre en tant que activité humaine. Et le continent aujourd'hui est, enfin en tout cas pour sa partie occidentale, est profondément pacifiste. C'est-à-dire que le refus du conflit prime tout le reste. Il faut écarter les sources de conflit, parce que le but à atteindre, c'est la fin de tous les conflits. Notez d'ailleurs que, et c'est ce que disait François Hollande, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron encore récemment, c'est que quand il cherche à justifier l'existence de l'Union européenne, il dit « Ah oui, mais l'Union européenne, c'est la fin des guerres en Europe. » Ça, c'est extraordinairement révélateur, parce qu'ils sont pris d'ailleurs entre le marteau et l'enclume, et ils sont piégés, parce qu'un État, par définition, est conçu pour faire la guerre. C'est le rôle d'un État. Un État... La violence légitime. Oui, et puis c'est la protection d'un territoire contre des menaces extérieures. Hein. Donc c'est une souveraineté, c'est une affirmation d'une souveraineté sur un territoire donné contre des acteurs extérieurs qui peuvent être agressifs. Donc c'est la gestion du conflit. L'État, c'est la gestion du conflit. Pour la protection, pour le meilleur, pour la défense. Évidemment, c'est comme ça que c'est conçu. Or, l'Union européenne est prisonnière de cette logique pacifiste, c'est-à-dire que c'est la négation du conflit. On dit qu'il ne faut surtout jamais entrer dans un conflit, c'est la raison même d'être de l'Union européenne. D'accord ? Alors quel est le rôle de l'État ? Puisque par définition, l'État, c'est l'armée, c'est la diplomatie, la gestion du conflit. Mais c'est bien ça le problème, en fait, parce que en soi, l'idée d'un État européen, moi, ne me dérange pas. Un État, civilisation, ça me dérange pas. Le problème, c'est que cet État, civilisation européen, il est basé sur voilà les mêmes conneries qui régissent notre État-nation français, c'est-à-dire la paix, l'amour, le vivre ensemble. Alors ça, c'est plutôt récent au niveau français, parce que quand tu lis la Marseillaise, c'est un chant belliciste. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend ? Il y a une petite musique qui s'est installée depuis une vingtaine d'années en France. Il serait temps de réécrire les paroles de la Marseillaise. D'ailleurs, pour une histoire de racisme, c'est complètement con, parce qu'ils disent oui, le sang impur, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est une relecture complètement. On est d'accord. Mais bon, non, ils disent oui, mais quand même, hein, vraiment, là, c'est vraiment ça semble très mal à propos, etc. Alors, simplement, j'entends. C'est mai 68. Mai 68, tout simplement. Oui, il y a une relecture de toute façon, et c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que de toute façon, tous les concepts, les propositions philosophiques, les mots, le vocabulaire, le champ lexical, est constamment retravaillé par les influences de leur époque. Et le sens évolue constamment, il y a une dénaturation permanente des mots, ce qui fait que le même terme peut désigner deux choses radicalement différentes à 50 ans de distance. Mais alors, pour en revenir à cette obsession pacifiste, comme il y a le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale et de la Première Guerre mondiale, de ce qu'ils appellent les guerres européennes, et qu'il faut absolument conjurer ce danger de guerre, eh bien, il faut tout accepter, il faut tout passer, plutôt que d'assumer le conflit. Donc, il faut effacer les différences, parce que les différences, nous dit-on, sont uniquement source de conflits, de frictions, de tensions. Il faut créer des gens qui soient réductibles les uns aux autres pour en terminer avec le conflit, c'est-à-dire en fait en terminer avec l'histoire elle-même. Parce que qu'est-ce que c'est que l'histoire ? C'est une suite interminable de conflits entre des hommes ou des groupes d'hommes. Et c'est de l'ordre du dogme religieux qui anime totalement la gauche, et y compris aussi la droite libérale. C'est-à-dire qu'en fait la droite libérale, par une autre méthodologie, pense pouvoir obtenir la fin de l'histoire dans les mêmes termes. Donc en fait, si vous voulez, en Europe, au nom de cette idéologie pacifiste, on démantèle les frontières. On se dit, voilà, non, mais il n'y a plus de frontières. Comme il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'hostilité. Si on ne met pas de frontières avec des gardes-frontières, le camp d'en face, il nous regarde, il va dire, ah ben voilà, ils sont plutôt bien attentionnés à notre égard, on va en avoir autant à leur égard. Oui, sauf qu'il faut être deux en amour, vous le savez. Alors, ce qui se passe aujourd'hui avec l'immigration de masse, qui est un phénomène complètement nouveau, d'ailleurs, enfin, il n'est pas si nouveau que ça, mais je veux dire, comparativement à l'idée de paix en Europe, qui date de 45, enfin de l'après-guerre, quoi, hein, 45-46, la formation de l'Union européenne était conçue comme une formation politique entre populations blanches d'Europe occidentale, au départ. Survient l'immigration de masse, et vous avez des populations qui viennent de l'extérieur de l'Europe, qui vivent dans un univers mental complètement différent. Bah déjà, l'Union européenne, au départ, c'était la subsidiarité. Sauf que ça fait un moment qu'elle a volé en éclats, la subsidiarité. Hein. Bah, donc, j'en reviens à mon truc. Donc, ces populations arrivent de l'extérieur, et elles nous voient comme une femme à conquérir. C'est-à-dire que l'Europe, c'est une femme à conquérir. Donc ils arrivent avec des conceptions qui n'ont rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale, qui n'ont rien à voir avec cette expérience à laquelle nous sommes sommés constamment de nous retourner. Non, donc c'est Oradour, effectivement, c'est Auschwitz, etc. Ces populations-là arrivent d'Afghanistan, du Pakistan, du Maghreb, d'Afrique noire, vivent dans un univers mental complètement différent, ont une mémoire radicalement différentes. Quand ils ont une mémoire, c'est la mémoire de la colonisation, c'est la mémoire du djihad contre les infidèles, c'est la mémoire parfois même des croisades, c'est-à-dire à 8 siècles de distance, les musulmans, parce que dans l'imaginaire des musulmans, c'est comme ça que ça se traduit, il n'y a pas 8 siècles d'écart entre les croisades et aujourd'hui, il y a 15 jours. Ça, les blancs ne le comprennent pas. Dans la tête d'un musulman, qui vient du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, les croisades, c'est avant-hier. C'est pas il y a 800 ans. Donc, vous savez, le réflexe de dire « Ah non, mais ça, c'est le Moyen-Âge, ça, c'est le truc de Mathusalem. » Ah non. Dans la tête du musulman, c'était avant-hier, il y a 72 heures. Et la réaction qu'il va avoir, c'est comme si ça s'était passé il y a 72 heures. Les Blancs sont incapables de comprendre cette structure mentale-là. Incapables. Alors, on a une structure politique, on a une société en Europe qui est conçue pour des populations blanches pacifiées d'après 45, et qui voit un flot énorme de populations qui viennent de l'extérieur de l'Europe, qui ont des représentations mentales complètement différentes, pour laquelle l'agressivité, le conflit, la lutte pour le territoire, la mémoire guerrière est absolument centrale dans la constitution des caractères, et on nous dit, non, mais ça va très bien se passer, rassurez-vous, on va faire des Français avec ça, ou on va faire des Allemands avec ça, ou on va... C'est de la folie furieuse, mais c'est ce qui se passe. Et ça, c'est possible à cause de cette idée pacifiste. Donc, paradoxalement, et j'en termine, l'idée pacifiste, qui est en mouvement en Europe aujourd'hui, elle est en train de créer sur le sol européen les racines d'une terrible guerre raciale et religieuse dans toutes les villes de l'ouest du continent, au moins. C'est-à-dire, oui, à Béthune, à Paris, à Nantes, à Francfort. Oui, c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est le fameux dicton, c'est-à-dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et on n'arrachera pas ces conceptions de la tête des populations, notamment qui sont nées après la guerre. On ne leur enlèvera pas ça de la tête. Rien à faire. Vous ne leur enlèverez pas Oradour, Auschwitz, la paix dans le monde. Vous ne leur enlèverez pas. Jusqu'au bout, ils y croiront. Et ensuite, quand nous serons dans ce chaos généralisé, généré par ces idées-là, qui sont des idées complètement inconséquentes, d'une naïveté confondante, là, les jeunes générations, qui, elles, n'auront grandi que dans les tensions ethniques, que dans la conflictualité et les conflits de race, ces nouvelles générations, elles, si vous voulez, auront comme référentiel c'est-à-dire, les races existent, la gestion des conflits raciaux, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire, en présence de quelqu'un qui n'est pas de mon groupe ethnique, etc. etc. Voilà. Alors, j'étais un peu long, mais c'est pour vous dire, et ça fait le lien avec ce que disait la personne, pourquoi un prof vous raconte ce genre de subtilité dans une classe, c'est parce que lui adhère encore au mythe de l'égalité et de la paix universelle dont j'ai parlé. C'est ça, et donc la réponse, la première chose à dire à ce prof, c'est « Ok, boomer ». Voilà, c'est la première chose à dire. Ensuite, je rebondis sur ce que disait Gandalf à propos du pacifisme, parce que pour moi, justement, le pacifisme, c'est le poison de toute civilisation, c'est le poison de tous les peuples, c'est le poison de toutes les races. Et il y avait, j'ai oublié, je suis désolé, mais j'ai oublié, mais il y avait un activiste amérindien qui était une sorte de anarcho-primitiviste, une sorte de Uno à Bomber, mais version amérindien. Ça paye pas de mine. C'était pas le sous-commandant Marcos, un truc comme ça? C'est possible. Au Chiapas, qui organisait une résistance indigène. Voilà, c'est ça. Et je crois que c'est lui, c'est possible. En tout cas, je me souviens que j'avais vu des extraits de son bouquin, et dans son anglais approximatif, ce que j'ai quand même pu relever, c'est que le type expliquait que ce qui a tué les Amérindiens, c'est le pacifisme, c'est de se dire, c'est de se dire, il faut qu'on soit pacifiste, il faut pas qu'on tue, parce que sinon ça donne des armes à l'ennemi, etc., etc. Et je suis assez d'accord, en fait. C'est-à-dire que le pacifisme, ça agit comme un long poison, et on peut être pacifiste, on peut être pacifiste quand on est bien positionné dans la société. Mais sinon, on peut pas être pacifiste. C'est pas possible. Je veux dire, le pacifisme est un poison. C'est pour ça qu'encore une fois, toutes les initiatives politiques, que ce soit Marine Le Pen, Zemmour, Mélenchon, ce que vous voulez, en fait, toute l'initiative qui vous explique que, mais non, on va changer le système sans violence, tous ces gens-là vous mentent et se foutent de votre gueule et sont en train de, pire que ça, ils sont en train de vous tuer mentalement, toute l'étincelle qu'il peut y avoir au fond de vous. Donc le pacifisme, c'est pour moi le plus gros problème, parce que la paix, on ne l'a que par l'épée. Voilà, on a la queue par les. Si tu veux la guerre, si tu veux la paix, prépare la guerre. Tout est dit dans ce dicton. Tout est dit dans ce dicton qui a des millénaires. Donc je peux que m'insurger contre ces populations. Le pacifisme est un truc qui apparaît avec les années 60, avec les hippies et tous ces mouvements de gauche à la con qui ont toujours vécu dans l'opulence, des petits bourgeois qui n'ont jamais eu besoin de travailler et qui vous expliquent aujourd'hui que la paix, sauf que le monde, c'est pas la paix, c'est la tragédie, c'est la mort, c'est le combat. Voilà. J'ai un petit message également à transmettre à ce prof gauchiste, c'est que si ses élèves, ses petits protégés sont aussi intelligents et aussi vertueux qu'il le dit, bah, qu'il leur conseille d'aller restaurer la terre de leurs ancêtres, ce qui permettra aux Blancs d'Europe de pouvoir continuer d'exister, à moins que ce vieux gauchiste soit un traître à sa race. À mon avis, c'est un traître à sa race. Vincent, sur tout ce qu'on a dit, est-ce que tu veux... À mon avis, par ton activité, tu es un petit peu là au... T'as le nœud gordien sous les yeux, hein, je veux dire, mais bon, est-ce qu'éventuellement tu voudrais revenir sur tel ou tel point qu'on a souligné là ? Oh bah oui, moi je suis d'accord avec Sobieski, c'est-à-dire que pour être pacifiste, il faut être très fort en fait. C'est la même chose pour être non-violent. En fait, pour être non-violent, il faut être fort, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à la violence. Et une fois qu'on est prêt à la guerre et prêt à la violence, on peut à ce moment-là tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais en effet, très souvent, on s'aperçoit que le pacifisme et la non-violence, eh bien, c'est un peu la vertu, entre guillemets, des faibles. Et donc, c'est un poison, c'est ça. C'est toujours extrêmement paradoxal. Mais personnellement, moi, je suis un non-violent. Et dans ma vie, j'ai pas hésité à aller au combat tout le temps, s'il le fallait. Mais après, si je peux l'éviter, si je peux faire quelque chose comme ça, oui, c'est possible. Voilà. Alors, il y avait une autre chose que j'avais envie de dire aussi. C'était par rapport au racisme dont justement tu en as parlé, Gandalf, dans le. Pardon. Donc je reprends. Oui, alors il y avait une autre chose que je voulais dire, c'était par rapport au racisme dans le Troisième Reich. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a une vision absolument erronée. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, ils voulaient exterminer tous ceux qui n'étaient pas comme eux. Moi, j'ai même eu quelqu'un qui m'a dit, Hitler, il aurait terminé sa vie tout seul. On arrive à un niveau de stupidité flagrante. Et en fait, c'est pas vrai, voilà, pas du tout. Alors, il y avait naturellement dans le Troisième Reich des branches de gens qui étaient très racistes et qui avaient aussi du mépris et de la haine raciale. Mais ça, c'est dans tous les peuples. Il n'y a pas, personnellement, moi, ça m'offusque pas du tout. Mais en tous les cas, au niveau de l'État, c'était pas du tout le cas. Et notamment Hans Fritsch à Nuremberg, qui était le chef des émissions radiophoniques, a toujours dit, hein. Moi, je n'ai pas prononcé un seul éditorial, un seul discours avec de la haine raciale. Et l'accusation a été incapable, alors qu'elle avait toutes les archives, de la contredire là-dessus. Et puis, quand on a demandé, par exemple, à Hermann Göring, qu'est-ce que vous pensez de la théorie de la race des seigneurs, il a dit, écoutez, moi, j'en pense rien du tout, parce que pour moi, il existe des différences raciales, mais de toute façon, quand on est un seigneur, on n'a pas à le dire. On ne le dit pas, c'est ce qu'il a dit exactement. Donc, c'était, il n'y avait pas du tout cette haine raciale que nous décrivent les films hollywoodiens. Alors, on nous parle souvent de la brochure Le sous-homme, vous savez, Der Untermensch, qui a été publiée, et on nous l'avait souvent souligné en disant, voilà, ça c'était le racisme sous le Troisième Reich. Mais absolument pas, absolument pas. Cette brochure, d'abord, il faut voir quand elle est parue. Elle est parue en 42. C'est-à-dire qu'elle est parue à un moment où la guerre commençait à mal tourner. C'est-à-dire que l'assaut de l'Union soviétique était définitivement arrêté. Il y avait les premières contre-attaques qui entraînaient des succès de l'armée rouge. Et il y a des gens qui sont mis à douter. Et c'est à ce moment-là que l'État national-socialiste a publié cette brochure en disant, alors il y avait des photos horribles de massacres qui avaient eu lieu en Union soviétique par la GPU, etc., mais en disant, voilà, attention, si les Russes remportent la victoire, c'est ce qui va vous arriver. c'était une brochure qui était faite pour l'arrière du front, afin de galvaniser les énergies, de dire à l'arrière, travaillez, faites des armements, ne vous découragez pas, parce que voilà ce qui vous attend. D'ailleurs, c'était pas faux, hein. Et cette brochure, il faut savoir qu'elle a commencé à être diffusée. Et puis, il y a eu une affaire, il y a un contremaître allemand qui a été passé en jugement en Allemagne nationale-socialiste pour avoir commis des violences sur des prisonniers de guerre russes qui étaient utilisés comme ouvriers. Vous voyez, hein, il passe en procès pour ça. Et pour sa défense, il dit qu'il avait lu la brochure et que c'était des sous-hommes et qu'il s'était estimé en droit de les maltraiter s'ils ne lui donnaient pas satisfaction. Eh bien, une fois qu'il y a eu cette affaire, la brochure n'a pas été réimprimée et les numéros qui étaient encore disponibles ont été retirés. Et c'est Van Feysecker qui l'a dit à son procès, quand l'accusation lui a reproché d'avoir chapeauté cette brochure, il a dit oui, tout à fait, mais dès qu'il y a eu un problème, on l'a retiré. Alors je sais qu'il y a certains ici qui vont être très surpris, même voire déçus, mais c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est dans les tomes 13 de Nuremberg, je connais très très bien l'affaire. Et alors, une dernière chose que je voudrais dire, lisons une certaine publicité. Hein. C'est un livre de quelqu'un qui a fait des voyages dans le monde entier. Et je vous lis, ça dure 5 lignes, rassurez-vous, hein. Il dit donc, on parle de ce livre, et voilà ce qu'on nous dit sur cette personne qui a fait le tour du monde et qui en rapporte ses impressions. Il nous fait voir la beauté naturelle de certaines négresses de grande taille, les formes mignonnes des chinoises, les corps admirables des danseuses des temples hindous et les beautés de l'océan Pacifique. Il nous donne l'occasion de jeter un coup d'œil dans la vie intime régnant sous les tentes arabes, dans les maisons de dégustation de thé au Japon et dans les cases d'argile en Afrique. Où est parue cette publicité? Eh bien, elle est parue dans Der Adler, c'est-à-dire la revue de l'aviation allemande, la revue de Hermann Göring, le 25 février 1941. C'était une publicité pour un livre de Hugo Bernadzik, qui était un explorateur allemand, et il avait publié donc le récit de ses voyages en 3 tomes. Alors, j'ai ces 3 tomes dans ma bibliothèque, et bien, je peux vous dire que le racisme dans ce livre-là, oui, en ce sens qu'on dit, il y a des races très différentes. Regardez comment sont les Noirs, regardez comment sont les Asiatiques, regardez comment sont les peuplades d'Europe centrale. Mais il n'y a pas de haine raciale du tout. Pas de haine raciale. Hein. Et ça, je peux vous lire. Et donc, la publicité que je viens de vous lire, elle est parue donc dans la revue d'Hermann Göring. Voilà, donc, quand on me raconte, quand on me montre les films hollywoodiens ou qu'on me montre la brochure Le Sous-Homme, etc., je rigole, et ce qu'a dit Gandalf tout à l'heure, c'était tout à fait vrai, il y avait des études raciales dans le Troisième Reich qui étaient absolument dénuées de volonté d'extermination, etc. C'était des études scientifiques, sérieuses d'ailleurs, hein, sérieuses, que l'on ne republie jamais, parce que si on les republiait, il y aurait beaucoup de gens qui seraient extrêmement surpris par le sérieux. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Et moi, je terminerai juste en disant que, en voyant ce que tu dis, c'est que de rien, l'âne nerbe, on se fait beaucoup de fantasmes derrière, on se dit oui, c'est un truc un peu bizarre, ésotérique, mais dans le sens New Age, un truc très bizarre, mais alors qu'en fait, l'âne nerbe, c'était un institut d'études des peuples, et il y a eu de très grands chercheurs comme Berger et d'autres dont j'ai oublié le nom, mais il y en a un qui était assez connu d'ailleurs, je crois, qui a fait l'objet de films hollywoodiens, etc. Enfin, ah oui, mais ce que je veux dire, c'est que oui, le NRB c'était quand même une grande institut, et moi je pense même que l'ethnologie telle qu'elle a pu être d'après-guerre, comme une discipline vraiment pertinente, discipline même plutôt bref, en tout cas, qui mêlait plusieurs disciplines, et c'est grâce à la NRBE, c'est grâce au Reich. Donc, mais bon, tout le monde ne préfère évoquer. Ça, oui, bon, alors, voilà. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait avec la NRBE, ça a été très simple, comme à tous les procès de Nuremberg. Ils avaient à peu près des dossiers de recherche qui faisaient environ 100 000 pages. Qu'est-ce qu'a fait l'accusation? Elle en a retiré à peu près 500 pages, où on pouvait trouver des choses à condamner, et le chef a été condamné à mort et puis pendu. Mais il a dit dans sa défense, il a dit « Attendez, vous citez 500 pages alors que nous on a 100 000 pages de recherches hyper précises, hyper sérieuses, et vous voilà comment vous faites. » Et ça c'était encore une fois, comme je l'ai déjà dit, hein, donc je vais pas m'étendre, c'était la philosophie des procès de Nuremberg. On saisit toute la documentation de l'adversaire, on en choisit ce qu'on estime être le plus accablant, et puis on dit « Voilà, tu as à répondre à ça. Non, non, mais le reste, il n'y a pas accès. Non, non, tu n'as pas le droit de le citer. Hein. Non, non, non, non, non, non. » Et donc, il a été pendu, hein, le chef de la Nonherbe. Alors, c'était quelqu'un voilà, qui devait être très, très intelligent. Et alors, il y a eu des recherches excellentes hein, qui ont été faites par le Troisième Reich, même jusque dans le cadre des instituts scientifiques, la migration des poissons afin de pouvoir réguler les pêches après la guerre pour éviter qu'il y ait un pillage des océans, la migration des oiseaux, les recherches sur le froid, comment pouvoir conserver des fruits en leur conservant tous leurs nutriments. Il y a eu des recherches énormes qui ont été faites sur les vêtements aussi. On mettait les gens dans des soufflants avec de la neige artificielle pour voir quelles étaient les meilleures choses. C'était extraordinaire le niveau qu'ils avaient atteint. Oui, la Nonherbe, il y a beaucoup de... Faudrait y revenir, c'est pas l'occasion dans cette émission, mais... c'était l'élite intellectuelle de la SS qui s'intéressait à de très nombreux domaines, hein, de très très nombreux domaines. Extrêmement. Qui se voulait en fait pluridisciplinaire, c'était une approche pluridisciplinaire, avec évidemment un prisme national-socialiste, mais qui est très éloigné d'un certain nombre de fantasmes, effectivement. Ceci étant dit, oui, il y aurait beaucoup de choses à en dire sur les racines philosophiques profondes de la démarche derrière la Nonherbe, là, ce qui nous amènerait vers la démarche personnelle d'Heinrich Himmler et de personnes autour de lui, probablement dans une autre émission, nous étions sur un rapport au monde radicalement différent. Et ce rapport au monde était un rapport au monde, je crois qu'il fondamentalement partait des réalités. Hein, donc... C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'était un rapport au monde sur la réalité, voilà. Pas sur le fantasme mondialiste. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la construction intellectuelle d'une utopie qu'ensuite on essaye de faire advenir dans la réalité en la déformant avec des politiques contraignantes. Donc ça, c'est la gauche. Mais on part des constatations empiriques dans tous les domaines, scientifiques, etc., et on en retire des lois observables et vérifiables, et là-dessus, on va bâtir un projet social. Donc c'est complètement différent comme approche, ça me paraît d'ailleurs la meilleure approche au reste, mais on en revient à la classe du départ du courrier de notre auditeur, c'est-à-dire que quand vous partez du principe que l'humanité est une réalité abstraite, une et indivisible, vous allez essayer de déformer cette réalité pour valider ce mythe. Voyez. Donc vous allez dire, oui, non, non, mais moi, vous savez, là, cet étudiant blanc, là, enfin, il va pas dire blanc, mais cet étudiant, là, français, qui est très bon à l'école, oui, certainement, hein, mais j'ai eu sa mère, vous savez, ça cassait pas des briques, hein, faut pas non plus mentir, hein, voilà, j'ai eu des élèves arabes, c'est autrement plus intelligent, hein, voilà, bon. On ne va pas refaire l'argumentaire, mais oui, quand c'est votre démarche fondamentale de nier les différences pour créer votre utopie, vous allez trouver toutes les exceptions à faire rentrer dans les cases qui vous intéressent. Mais si vous avez une démarche radicalement inverse, partez de la réalité des constatations empiriques, et que sur ces constatations, vous allez essayer de proposer quelque chose comme solution sociale, vous allez mécontenter beaucoup de gens. Parce que, en quelque sorte, vous gâchez la fête des utopistes de tout genre, qui ont généralement pour eux d'être aussi des égalitaristes. Mais c'est ça, moi je le dis, hein, il y a deux types de personnes, il y a ceux qui croient en l'égalité réelle, c'est-à-dire en l'égalité matérielle entre les peuples et les hommes, et ceux qui le nient sur des bases réelles de différence, qui sont ce qu'elles sont, et qui disent non, il y a des personnalités ethniques, il y a des personnalités raciales, comme il y a des personnalités individuelles, qu'on ne doit pas essayer de fusionner tout le monde dans un même moule. Au contraire, il faut respecter les différences, les accepter, mais pas pour créer une espèce de cosmopolitisme heureux et béat et complètement stupide, parce que, au même titre qu'il y a des lois naturelles observables, la guerre est une réalité observable. Et donc, si vous mettez des populations différentes dans un espace restreint, le conflit survient. Donc, en ce sens-là, ça, c'est vrai. Oui, les différences suscitent le conflit. Mais il faut simplement le savoir. Et il faut s'en prémunir, c'est ça, c'est tout. Mais il faut, mais la méthodologie employée par la gauche, enfin la gauche et les droits de l'hommiste en général, enfin je veux dire, bon, ça consiste à dire, ah bah écoutez, c'est simple, hein, les différences suscitent des tensions, bah on n'a qu'une seule façon, c'est le rouleau compresseur, on écrase tout le monde, on fait une patte indifférenciée, qu'on appellera ça le citoyen, et ça sera formidable, tout le monde sera copain. Vous voyez, c'est ça le. Alors que non. Il faut simplement dire, non, il faut, parce que ce que défendaient les national-socialistes, il faut un espace vital pour chaque race. C'est-à-dire qu'un espace où une race peut complètement et pleinement exprimer, ses qualités raciales propres. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est, en gros, vous donnez à quelqu'un l'espace suffisant qu'il a pour que sa personnalité puisse se développer. Voilà. Et quand il y a incompatibilité d'humeur ou de sensibilité, eh ben, on met de l'espace entre ces gens. Et puis c'est même très bon. Vas-y. Moi je voulais juste terminer en fait en concluant en disant en fait justement en rembrayant sur ce que tu avais déjà dit une fois Vincent, c'est-à-dire que la gauche c'est nier la loi naturelle, la droite c'est l'accepter et c'est exactement là-dedans qu'on est dans un conflit existentiel où t'as des gens qui refusent la loi naturelle et t'en as d'autres qui disent on l'accepte et on fait avec. Il y a un truc qui est intéressant au niveau des études d'opinion, si vous regardez les sondages, ce qui inquiète énormément d'ailleurs les tenants du régime français, vous savez, les tenants de la laïcité indifférenciante, c'est-à-dire que tout le monde doit être athée, si vous voulez, ou vous gardez votre religion pour vous dans votre domaine privé, etc. Bon, pareil, il y a encore des choses qui ne veulent rien dire, bon, peu importe. Et ils voient que les musulmans, il y a quelque chose d'irréductible chez les musulmans. Vous voyez, qu'il y a chez les musulmans, chez les populations musulmanes, qui peuvent être d'ethnie et de race différentes d'ailleurs, hein, mais il y a quelque chose d'irréductible dans le caractère musulman, en France, et ailleurs en réalité, hein, et qui les indispose énormément, et qui indispose aussi beaucoup de nos auditeurs, hein, mais pour d'autres raisons. Et ils disent, ah bah, ouais, mais comment on va faire, puisque la République doit assimiler. Alors, vous avez, je sais que Zemmour fait un procès en abandon de l'assimilation, Marine Le Pen aussi, à l'égard des autorités, mais en fait, elles n'ont pas abandonné parce qu'elles n'y croient plus au sens idéologique du terme, mais parce qu'en fait, elles n'ont plus l'énergie, les moyens, l'entraînement, le fanatisme pour se lancer dans cette entreprise. C'est pas qu'elles ont désavoué publiquement, au sens plein et entier, la possibilité de l'assimilation. Hein. C'est pas ça. C'est qu'en fait, ils sont tellement nombreux que sans se l'avouer publiquement, on a un peu laissé tomber. Voilà. Et vous voyez Marine Le Pen et Zemmour, on dit, ah, mais il faut en faire encore plus dans l'assimilation. Ben non, pas du tout. Au contraire, ce qui se passe maintenant, c'est la démonstration que l'assimilation ne marche pas, n'est-ce pas? L'inquiétude pointe au plus haut niveau maintenant, puisque les études d'opinion montrent que les jeunes musulmans, généralement entre 15 et 20 ans, veulent l'application totale de la charia à 75, 80, 85%. Alors, on n'en aurait rien à faire si ces jeunes musulmans représentaient 3% de la population des moins de 20 ans. Mais les volumes sont complètement différents. Donc les conséquences sur la société française seront radicalement différentes d'ici 20 ou 30 ans. Et ça inquiète considérablement les tenants historiques de cette conception du monde qui consiste à dire « Ah non, mais tout est réductible à tout, et on peut, comment dire, déraciner les ce qu'ils, eux, appellent libérer les individus. » C'est-à-dire que pour eux, quand vous coupez un individu de ses racines, vous le libérez. Mélenchon l'avait dit, d'ailleurs, il y a quelques années. Il avait dit « C'est quoi les racines ?» C'est quoi ce concept? D'où ça sort? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi, racine? Non, il n'y a que des individus libres qui se déterminent en toute conscience sur toutes les questions. Voilà. Pour lui, il n'y avait pas d'héritage, il n'y avait pas de transmission, etc. Tout ça, c'était choquant. C'était le vieux franc-maçon du Grand Orient de France, hein, je veux dire, le vieux laïcard, etc. Il a muté récemment, probablement sous la pression musulmane, d'ailleurs. Donc, le caractère irréductible des musulmans est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Ce qui fait que, et paradoxalement, par la gauche, les déterminismes sont de plus en plus acceptés. C'est-à-dire qu'on accepte de ne pas vouloir forcer certaines populations à faire des choses qu'on exigeait des autres auparavant. Vous voyez ? Donc ça veut le dire pacifisme, que... le pacifisme. Oui, voilà plus qu'il y a, qui est plus une forme de lâcheté là en l'occurrence. Hein, c'est plus par lâcheté qu'autre chose. Hein. Mais on dit ah oui non ben oui vous comprenez les musulmans, on peut pas faire ça comme ça avec eux. Il faut comprendre, il faut voilà. Puis on dit non mais on peut pas voilà. Donc on recule. Voilà. Oui puis attention, il y a eu aussi leur contradiction dans le discours parce que comme vous avez dit tous très bien, ils nient les différences. Mais quand les différences ne sont plus niables, ils disent « Ah, mais nos différences nous enrichissent ». Et donc, ils se retrouvent dans un discours totalement contradictoire, négateur d'un côté, il n'y a pas de différence, et de l'autre côté, non, les différences nous enrichissent. Donc, quand ils voient que les immigrés sont trop nombreux, qu'on ne peut plus les assimiler, alors ils disent « Non, mais il faut les comprendre, puis de toute façon, ils vont apporter... » du sang neuf, ils vont apporter un peu d'exotisme, etc., etc. Et ça fait une espèce de discours gloubi-boulga qui ne mène à rien, qui mène à la catastrophe. Voilà. Bah, comme en Allemagne, là, avec la mode du hijabista, l'espèce de fashionista autour du voile, alors qu'en fait, en vérité, hein, soyons honnêtes, les blancs, ils vont pas, les blanches là-bas, elles vont pas se mettre au hijab. Elles vont tout simplement changer de coin, elles vont changer de ville, changer de village, je sais pas moi, mais ils se tirent, c'est une totale hypocrisie, je veux dire, parce que c'est ça, en fait, ce que tu dis, Vincent, c'est qu'en gros, quand ils sont confrontés au réel, ils disent, bon, bah, du coup, nos différences nous enrichissent, sauf qu'en fait, ils disent ça pour le prolo, c'est-à-dire qu'ils disent au prolo, écoute, Jean-Kévin, tu vas aller t'enrichir avec Mohamed, mais par contre, moi, je vais me casser dans une résidence sécurisée pour ne pas avoir à m'enrichir culturellement et sexuellement avec eux, tu vois. Non, moi, je suis déjà assez riche, moi, c'est bon. Non, mais c'est leur discours, hein, c'est leur discours. C'est la méthode Coué. C'est la méthode Coué. C'est-à-dire, ouais, il faut positiver, quoi. Positive, je veux dire, tu vois, c'est ce qu'ils te disent, hein. Oui, c'est vrai, monsieur. Oui, vous vivez en Algérie, monsieur. Effectivement, oui, c'est un peu gênant. Ils font le ramadan, ils ont tendance à jouer du couteau. Effectivement, bon. Mais en même temps, ça, c'est une première perception. Mais si vous dites que vous avez une chance extraordinaire de découvrir les vertus propres à l'islam, et que c'est l'occasion pour vous d'entamer un profond dialogue interculturel qui va vous interroger sur votre propre identité culturelle. Etc. Puis là, les mecs, ils partent. Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour vous ? Franchement, à votre place, moi, je verrais le verre plutôt à moitié plein, tu vois. Alors bon, bah non, toi, c'est la catastrophe. Là. Mais ils s'en foutent, ils vont te baratiner. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Les mecs, ils ont géré la catastrophe. Donc, ils vont pas te dire, non, mais en fait, tu ne te rends pas compte, on a salopé ton pays. On a ruiné ton avenir. On a mis en place, là, dans toutes tes villes, des populations qui te haïssent. Non seulement toi, mais tes gosses, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Ça n'en terminera jamais, sauf si, voilà, il y a une solution radicale qui est trouvée. Dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs. Bon, bah non, ils vont pas dire ça comme ça. Ils vont dire, ah là, mais t'en rends pas compte. Non, tu perçois le problème vraiment très très mal. Hein. Il faut positiver, tu vois, la positive attitude. Voilà, c'est ça. Positif, voilà. T'as des couscous et des kebabs. Et c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent tout le temps à la télévision. Ils disent pas, il faut positiver, mais ils essayent de présenter, bah c'est leur connerie là, l'enrichissement culturel. Oui, nos différences nous enrichissent. Voilà, c'est dommage que moi je ne sois pas dans un quartier comme le tien. Moi je m'enrichirais à fond. Ouais, mais hélas, je suis dans le 16e arrondissement, qu'est-ce que tu veux ? Je te trouverai charogne, un vilain soir. Je te ferai dans les mires deux grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe peut prendre à du chaud. Tu verras cette belle assistance. Tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Mais voici ton enfance et son petit Léo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, car gonfle m'importe, au malfrat écrase que le vent emporte, feuille morte, souci. Depuis des pays que tu râles, que t'es cocu, que je suis ton voyou responsable, que t'en peux plus. Va paloper l'occasion unique de respirer. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes ocellettes du Saint-Manté. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes ocellettes du Saint-Manté. Mais voici tant d'enfance et son petit Léo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la petite au diable ta sorte, car d'offres m'importe, au malfrat écrosse que le vent emporte, feuille morte ceci. C'est pas des nouvelles que t'en croques, que t'es pourri, que les bourmanies te suffoquent par ta bébie. C'est comme ça qu'a tombé Mimi dans le grand panier. Tu vas voir ce joli coupil que je vais tourner dans l'araignée. Mais voici ton enfance et son petit Léo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sainte cardo, fais m'importe, au malfrat écrasse que le vent emporte, feuille morte, souci. Mais la question qui me tracasse en te regardant, est-ce que tu seras plus dégueulasse, mort que vivant? Si tu vas repousser la vermine, plus d'enterrement. Si tu restes en rade sur la pile, j'aurai des crosses avec mimine autour du cimetière des bons enfants. Mais voici ton enfance et son petit Léo. Voici Clémentine, le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sainte carte, au feu la porte, au malfrat écrasse que le vent emporte, tourbillons et soucis. Voilà. C'est fini. Alors, un courrier qui nous a été adressé de Suisse, auquel on voulait répondre depuis un petit moment. Alors, je vous le livre. C'est, vous savez, c'est les témoignages de nos auditeurs qui, dans leur vie quotidienne, observent des choses et qu'ils veulent partager. Vous savez que dans l'émission, on aime beaucoup le faire. Faire partager à nos auditeurs, justement, ces témoignages qui sonnent très vrais et qui ne sont par définition pas répercutés dans les grands médias. C'est évident, la censure régnant quand même considérablement avec le politiquement correct. Bonjour mon cher Gandalf et salutations à toute l'équipe. Tout d'abord, je tiens à dire que j'apprécie les interventions des nouvelles recrues de DP et plus particulièrement de celle de notre ami Vincent. J'écoute chacune de vos émissions et lis vos articles avec assiduité. Je souhaite aujourd'hui vous faire part d'une histoire rocambolesque qui est arrivée dans mon entreprise il y a quelques mois. Je suis directrice des ressources humaines depuis 3 ans, dans un centre de distribution de colis en Suisse romande. Dans mon entreprise, il y a des salariés suisses et français qui travaillent, donc ensemble, hein, sans le moindre problème. Tout va pour le mieux et une bonne ambiance règne dans l'entreprise. Le seul point noir au tableau est un salarié arrivé dans l'entreprise une semaine avant mon embauche. Il s'agit de Toumani, un noir d'une trentaine d'années, tout droit venu de Grenoble et d'origine sénégalaise, qui est arrivé il y a 3 ans pour travailler en Suisse comme livreur de colis. Le seul boucac de l'entreprise et par la même occasion, le seul qui cause des problèmes, comme par hasard. Pour vous situer le personnage, il y a eu des demandes de congé à son manager à répétition. Un arrêt de travail prescrit par un médecin au nom oriental de 1 mois complet, qui tombe pile à chaque mois de Ramadan. Surpris à 4 reprises en train d'effectuer la prière dans un placard de la réserve. Des clients qui se sont plaints, dégradation volontaire du matériel de travail, et j'en passe. une procédure de licenciement à son encontre était déjà en cours d'instruction au moment de l'incident fatal. Maintenant que vous avez une idée de cette racaille noire islamique, venons-en au fait. Un soir de novembre dernier, 45 minutes après la fin de la journée des livreurs, l'entrepôt était calme. Je m'occupe tranquillement de l'administratif et je reçois alors un appel de la secrétaire de l'accueil pour m'informer que deux policiers et deux inspecteurs français et suisses demandent après moi. Surprise, je dis à la secrétaire de les faire monter à mon bureau. Je n'avais absolument aucune idée de la raison de cette venue. Il y a déjà eu des visites de contrôle, effectivement, mais c'est la présence des deux policiers qui m'interpelle. L'équipe de quatre personnes arrive donc à mon bureau. J'ajoute trois chaises pour que tout le monde puisse s'asseoir et la discussion a commencé. Le policier suisse prend en premier la parole. Il m'explique alors qu'il est en présence d'un officier de la police française, mais également de deux inspecteurs du service public français, suite à une procédure de collaboration judiciaire franco-suisse pour des faits de fraude et d'escroquerie aux allocations commis sur le territoire français. Concernant les inspecteurs, il s'agit d'un inspecteur de la Caisse des allocations familiales et le deuxième de la MDPH, c'est-à-dire la Maison départementale des personnes handicapées. Je comprends alors que quelque chose d'anormal s'est produit et que l'affaire est très sérieuse. Le policier français me dit alors, je cite, « Nous avons eu vent qu'un ressortissant français travaille dans votre entreprise. Pouvez-vous me confirmer que Toumani X travaille dans cette entreprise ?» Je réponds qu'il travaille en effet dans notre entreprise depuis 3 ans, mais en précisant qu'il fait l'objet d'une procédure de licenciement. Le policier français me demande « Êtes-vous informé que Monsieur X a une reconnaissance d'invalidité psychique permanente auprès d'un organisme en France ?» Je réponds alors que je n'ai jamais été informé d'une quelconque reconnaissance d'invalidité du côté français ou suisse. J'ai eu droit à plusieurs questions concernant les tâches qu'il effectue, les horaires, son comportement, sa personnalité, etc. Au bout de 30 minutes d'entretien, le policier suisse me présente alors un mandat signé par la justice qui stipule que je dois remettre des copies de tous les éléments administratifs que l'entreprise détient sur le négroïde. À l'inverse de la France, je précise qu'il y a un système de mandat, car la Suisse est un pays fédéral, au même titre que les États-Unis ou que l'Allemagne. Après leur départ, j'appelle immédiatement le directeur pour lui expliquer la situation. Il a alors dit de garder le silence, comme les policiers me l'avaient explicitement dit. 3 semaines plus tard, le CAFRE ne s'est pas présenté à son poste après 2 jours de repos. Au bout de 5 heures d'absence, et aucune réponse aux appels et SMS de son manager, l'accueil m'appelle pour m'informer que la copine de ce dernier, donc la copine de tout mamie, est à l'accueil, et qu'elle souhaite s'entretenir avec moi. Je me dirige donc vers l'accueil, et j'aperçois une négresse en boubou, semi-obèse, étalée sur la chaise, qui m'attend. Sa compagne m'informe que le singe, qui lui sert de compagnon, a été placé en garde à vue par la police nationale, alors qu'il était en séjour pendant ce repos sur le sol français. J'ai immédiatement fait le rapprochement avec l'affaire en cours et informé le directeur. 3 jours plus tard, il refait son apparition. Il est immédiatement convoqué au bureau pour s'entretenir avec le directeur et avec moi-même. Je précise que la police a été informée de l'entretien et n'a émis aucune objection du fait qu'ils avaient de leur côté tous les éléments qu'il faut concernant l'affaire. Face à nous, je commence par évoquer l'entretien que j'ai moi-même eu dans mon bureau avec les policiers et les contrôleurs sur cette affaire de handicap. Contre toute attente, il décide de nous expliquer toute l'histoire de A à Z pour se justifier. Il a simulé une crise de schizophrénie dans le but d'être interné en hôpital psychiatrique, pour qu'une fois sorti, il puisse déposer un dossier auprès de la MDPH dans le but de toucher une allocation pour adultes handicapés, AAH. Ainsi que des aides d'État diverses pour un montant total mensuel de 1100 euros. Juste après la décision de l'octroi de l'allocation, il a vécu 2 ans dans son pays d'origine, le Sénégal, 1 an en Belgique, où il a travaillé comme employé polyvalent dans un supermarché, avant de venir vivre en Suisse, où il réside depuis 3 ans. Il n'a jamais informé la CAF et les administrations françaises de ses activités ou de son départ à l'étranger. La fraude a duré 6 ans. 6 ans de fraude. Qui a été révélée par son ex-compagne du Sénégal qui a fait une dénonciation à la CAF par vengeance. Car elle n'a pas supporté le fait qu'il l'a laissé tomber pour repartir vivre en Europe. Par un simple calcul, on peut déterminer que la fraude s'élève environ à 79 000 euros. 2 semaines plus tard, la procédure de licenciement qui était en cours a abouti. Il a été licencié pour manquement aux règles de sécurité, dégradation de matériel professionnel et injures sur la personne de son supérieur hiérarchique. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de lui depuis son licenciement. Il a sûrement été condamné à du sursis et le juge a dû lui dire que ce n'était pas bien, vu la mentalité de l'institution politique et judiciaire, à genoux face aux nègres, aux bougnoules et à tout ce qui est foncé, il n'aurait rien de surprenant là-dedans. Comme exemple, je prends les 2 personnes que j'ai connues qui travaillent dans des palais de justice en France, qui sont 2 personnes de gauche, dont une qui est une ancienne institutrice d'un collège public militante du Parti communiste français. Cette affaire me conforte dans l'idée d'avoir bien fait de ne pas embaucher, de colorer depuis mon arrivée. Elle est à la tête d'un département des ressources humaines. Suite à son départ, aucun problème n'est à déplorer. Comme quoi, quand il n'y a que des blancs européens, tout va pour le mieux. Mais que du marron ou du noir arrive, et là, tout dérape. Je vous prie de m'excuser pour la longueur de ce courrier, mais j'ai souhaité être la plus précise possible pour cette histoire, qui est complètement délirante. Merci de m'avoir lu, et c'est signé une Suissesse démocrate. Alors je suis heureux de voir que la démocratie progresse en Suisse. On a vu un courrier des lecteurs d'ailleurs d'un Suisse très énervé, qui avait tenu à faire litière du mythe de la démocratie suisse, hein, en disant que... Parce que ça donne des étoiles dans les yeux des Français, ça. Vous savez, ces histoires de référendums à répétition, là. Ils ont l'impression que c'est le nouvel Eldorado, quoi. Alors, c'est peut-être pas aussi sérieux qu'en France, quand même, hein, niveau tripatouillage, mais enfin, c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc je remercie cette Suisse, la Suissesse démocrate, hein, qui est acquise à une autre forme de démocratie, de nous avoir partagé cette expérience, qui est celle des joyeux allers-retours des transfrontaliers, hein, voilà, entre la France et la Suisse. Plus particulièrement Grenoble et Lyon, hein, qui, 2 villes qui rayonnent sur la Suisse. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de commenter en particulier sur cette expérience. Vous avez peut-être quelque chose à dire. Bon, là, j'ai presque envie de m'excuser auprès des Suisses pour cette malencontreuse proximité géographique pour laquelle ils n'ont rien demandé, hein, puisque la France maintenant exporte de plus en plus ses talents chez nos voisins francophones. Hein, je ne pense pas qu'ils aillent au-delà de la partie francophone. J'ai envie de vous dire, pas de bol pour vous, parce que vous auriez dû parler allemand. c'est un peu dommage. Mais voilà, bon. Qui veut réagir là-dessus éventuellement ? Oui, je veux bien préciser que j'apprécie aussi son message où j'ai trouvé que tout au long de son discours, il y avait un langage fleuri, donc ça c'est appréciable. Après, ce que j'ai à dire, ce que ça m'inspire, c'est que j'ai bien l'impression que cette histoire, c'est la partie émergée de l'iceberg qu'on voit. Parce que on s'imagine pas à quel point il y a énormément d'accointances, de cooptations dans ces communautés. Et dans le monde professionnel, voilà, il y a des arrangements et il y a une grande solidarité dans la communauté africaine, dans les entreprises en France. Et ça, hélas, malheureusement, elle en a eu un aperçu en Suisse. Si tu as vu qu'on a de plus en plus de négros qui obtiennent des postes clés, ça y joue, tu vois, genre les mecs ils se donnent le mot, hein, forcément. Le pire, c'est les ressources humaines, hein. Ça c'est le pire, ça, parce qu'ils reçoivent des consignes. Alors cette jeune Suissesse travaille pour le mieux pour son entreprise parce qu'elle épargne énormément de problèmes à son entreprise par son écoute attentive de démocratie participative et la lecture tout aussi attentive des articles qui passent sur le site, mais au-delà de ça, parce qu'elle a une conscience raciale, elle évite bien des déboires à son entreprise. Moi, je serais son patron, je lui augmenterais tout de suite, là, vous voyez, tout de suite. Parce que quand vous rentrez dans le jeu de la discrimination positive, c'est-à-dire toujours au nom de l'égalité, dont on a très amplement discuté auparavant. Vous dites, ah bah oui, mais si ça se passe mal, s'il y a des tensions, c'est parce qu'il y a de la discrimination. C'est parce qu'il y a du racisme. Donc, en gros, c'est de la faute des Blancs. Vous savez, on a parlé du pacifisme. Et le pacifisme, ça consiste à rejeter le conflit absolument. Et dans l'inconscient des masses occidentales aujourd'hui, le conflit, donc après deux guerres mondiales, est conçu comme étant inhérent à la race blanche. C'est-à-dire que toutes les autres peuplades, c'est Rousseau, quoi. Toutes les autres peuplades colorées, elles sont gentilles, elles sont exotiques, elles ont des us, des coutumes, elles sont marrantes, voilà. Mais les vrais méchants, c'est les Blancs. Donc il faut surveiller les Blancs comme le lait sur le feu. C'est eux qui sont vraiment dangereux. Alors que les autres, non. Comme disait Vincent, ils apportent leurs différences, ils nous enrichissent, etc. Et tout va bien se passer. Donc quand il y a un problème, ça ne peut pas être, le problème ne peut pas trouver son origine dans les populations allogènes. C'est impossible. C'est une impossibilité dogmatique. D'accord ? Vous ne pouvez pas prendre le problème par ce bout-là. Donc le problème, il est dans les populations blanches, alors. Eh ben oui, alors, quel est ce problème ? C'est le racisme, c'est l'hostilité de principe, c'est l'inégalité de traitement. Alors là, les autorités établies, les universitaires, ça, ils creusent, ils disent, effectivement, c'est les Blancs. Alors qu'est-ce qui se passe ? Les habitudes, le colonialisme, des clichés qui sont véhiculés par les médias, etc., le cinéma, etc. Bon, il faut changer toutes nos habitudes, voilà. Et puis ensuite, la pauvreté, un grand leitmotiv de la gauche. C'est la pauvreté. Si ces gens-là sont pauvres, ils vont devenir hostiles, voilà. Alors que s'ils sont traités à égalité, qu'on leur offre de vraies chances professionnelles, mais ils vont se comporter comme des Blancs. Aucune différence. Alors, on donne des consignes aux entreprises, publiques et privées. On leur dit, il faut recruter des gens d'origine étrangère. Hein. Il faut des quotas. Hein. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on va résoudre les tensions qui existent dans la société, qui sont créées en premier lieu parce qu'on a ouvert les vannes de l'immigration non blanche. Ça, c'est ce que personne n'a dit, évidemment. Hein. On veut résoudre des problèmes qu'on a créés ex nihilo. Bon, bref, faut pas le voir. Alors, effectivement, on dit, on va mettre des quotas. On va en mettre 10%, 20%, 30%. Et puis, plus on augmente les quotas, et puis plus c'est pire. Parce que, et c'est ce que disait Sobieski, c'est-à-dire qu'une fois que vous faites rentrer le loup dans la bergerie, c'est-à-dire qu'une fois qu'un de ces oiseaux de couleur s'est établi sur une branche, il fait rentrer ses cousins. Par népotisme le plus achevé. Hein. Quand c'est la famille, ou alors par préférence raciale, évidemment. Parce qu'en plus, ils sont très racistes entre eux. C'est préférence ethnique, n'est-ce pas ? Ou détestation ethnique transmise. C'est-à-dire il appartient à la tribu qui, dans mon pays d'origine, ne peut pas la saquer, etc. Donc on importe sur le territoire européen des tensions interethniques entre populations noires ou autres, qui n'existaient pas, évidemment, en premier lieu, en Europe. Et alors, ces gens-là excluent les Blancs, organisent systématiquement la contestation de l'ordre blanc, et c'est ce qu'on voit maintenant, alors absolument partout. Dans l'université en particulier. Hein. Et alors, ils théorisent ça, c'est-à-dire que les allogènes, enfin, c'est pas eux qui ont théorisé, c'est des idéologues juifs aux États-Unis, mais ça marche très très bien dans toutes les populations allogènes qui vivent dans des pays blancs. C'est le fameux privilège blanc, hein. C'est le racisme blanc systémique, c'est-à-dire que les Blancs sont des salopards de vie sur leur propre terre, historique. Et à tel point même que les allogènes qui nous colonisent se qualifient de décoloniaux. C'est-à-dire qu'ils nous colonisent, et comme ils nous colonisent, ils décolonisent. On est chez les fous, hein. Mais dans leur tête, et c'est ce que j'ai expliqué quand je vous ai dit, je parle des représentations du 7e siècle que les musulmans ont dans leur tête en disant que voilà, les croisades pour eux, c'est comme avant-hier. Vous pouvez trouver ce genre de propos ridicule, mais on s'en fout de ce que vous le trouviez ridicule, ce propos. Ce qui compte, c'est que ces gens-là, ils croient. Et ils y croient dur comme fer. Donc quand les Noirs arrivent en Europe, quand des Maghrébins arrivent en Europe et qu'ils vous disent on décolonise, ces gens sont convaincus qu'ils décolonisent. Peut-être que les Maghrébins savent qu'il y a quand même un petit peu, là, où ils se foutent un peu de la gueule. Alors, je peux vous dire que les Noirs, pas du tout. Hein. Ils prennent ça pour argent comptant. Hein. C'est du littéralisme. Hein. C'est du littéralisme. Alors, du coup, quand vous les faites rentrer dans les entreprises, ce qu'ils font, ils font rentrer les cousins, ils font rentrer les frangins, etc. Immédiatement, ils se mettent à piquer dans la caisse, ils font tomber les cartons, etc. Quand vous leur faites savoir, ils organisent la rébellion, ils intimident la direction, qui ne sait plus comment faire parce que, impératif de diversité, mais en même temps, si on les licencie, les autres, ils vont hurler au racisme, etc. Donc, ça veut dire qu'il y aura procès des trucs. Donc, tout le monde s'écrase. Donc, c'est le bordel. L'entreprise devient dysfonctionnelle. On ne s'en sort plus. Cette femme-là, cette Suissesse-là, en refusant cette logique, en disant d'emblée, non, moi, je ne laisse pas rentrer ces gens ici, sauve un temps, une énergie, une paix intérieure à son entreprise considérable. C'est pour ça que je dis qu'elle devrait être augmentée. Vraiment, tout de suite, immédiatement. Vraiment. Et toutes les personnes qui sont les ressources humaines devraient procéder exactement de la même manière. Exactement de la même manière. Mais après, ça c'est parce que ça, cette femme-là est bien intentionnée. Mais après, il faut savoir que dans les très grandes entreprises, une directrice de ressources humaines n'a pas cette latitude. Ben non, elle ressort des grandes universités françaises, anglaises, occidentales. Déjà, il y a ça, et donc du coup, forcément, elle va être imprégnée de toutes ces conneries qu'elle a pu apprendre, parce que bon, malheureusement, ces gens-là, ils passent par tout un cursus de formatage mental aux théories, ce qu'on appelle les French Studies aux États-Unis. Donc c'est marrant parce que ça nous fait le boomerang en fait. Ça vient de France, c'est parti aux États-Unis, ça revient en France, tu vois. Et donc du coup, toutes ces nanas, parce que généralement c'est des nanas en plus, hein, ressources humaines, c'est des nanas. Et donc des nanas blanches, asiatiques aussi des fois. Aussi, ça leur arrive. Bah en France, il existe la charte de la diversité qui est en fait une incitation aux entreprises à clairement, plus ou moins littéralement, embaucher des non-français. C'est une charte et il y a des incitations, donc je suppose des récompenses sur les impôts, ce genre de choses. Alors non-français, je sais plus trop ce que ça veut dire, moi. J'aurais tendance à dire c'est non-blanc. C'est plutôt bien si on empêche les Français d'accéder à des boulots parce que. Qui n'ont pas encore la carte d'identité. Oui, non, non, parce qu'on me propose beaucoup de choses françaises aujourd'hui, là, puis je suis un peu sceptique. Alors, oui, il faudrait peut-être commencer à ségréguer les Français, et donner un peu de boulot aux Blancs aussi, pour changer, tu vois. Mais trêve de plaisanterie. Il y a le bon vieux mythe du Français qui ne veut pas travailler. Hein. Oui, c'est une connerie. T'as qu'à payer pour, et les gens bosseront, hein, je veux dire. Ça, c'est une arnaque patronale, ça. Oui, et puis c'est une évidence, avant que les étrangers n'arrivent en France, il y avait des poubelles à tous les coins de rue, ils n'étaient pas propres. Et dans les campagnes où il n'y a que des Blancs, hein, c'est connu, on fait venir des Noirs pour ramasser les poubelles, on le sait ça. Bien évidemment. Ouais. Mais par contre, dans les campagnes, plus tu rajoutes des bougnoules, plus la sécurité grimpe. Et plus il y a de poubelles aussi, hein, t'as remarqué. Et plus il y a de poubelles, oui, oui, c'est vrai. Hein, et puis surtout des trucs à côté des poubelles, tu vois, si tu fais attention. Non, mais les bons vieux chargés de rue aussi. Hein. Non, mais c'est marrant parce que ça me rappelle en fait les conneries de Cabu. Que c'est pas le caricaturiste qui a été flingué par les frères Kouachi à Charlie Hebdo et qui avait quand même derrière pratiquement un demi-siècle de méfaits contre les Français de souche, hein, je veux dire, qu'il appelait les beaufs. Ce qu'on appelait les beaufs, quoi. Hein, il est caricaturé dans tous les sens, ce qui n'était pas... Bon, il y avait des traits de caractère qui n'étaient pas totalement faux, je veux dire, mais c'était outrageant, outrancier, c'était poussé à son maximum. Et dans l'émission, on l'a dit souvent, hein, que de toute façon, il y avait une espèce de leçon de choses symbolique dans l'affaire Charlie Hebdo, c'est-à-dire la façon dont ces mecs-là, qui étaient des mecs de gauche, qui avait contribué à la destruction de la société traditionnelle française, et notamment de l'anéantissement de la société des beaufs, en promouvant l'immigration halogène, parce que pensait-il qu'ils allaient pouvoir faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire se débarrasser des beaufs et établir leur grande utopie. Multiraciale, débarrassée du racisme, du fascisme, etc. Cabu, ça s'est terminé avec des balles de Kalachnikov dans la tête. Donc, vous voyez, on va pas s'en plaindre, hein. Non, mais c'est ce qu'on appelle une parabole, quoi. Et alors, toute cette gauche, paradoxalement, avec tous ces arguments anti-français, quand je dis anti-français, là, ça veut dire contre le petit peuple blanc de France, avec le dénigrement systématique qu'ils ont inculqué jusqu'à le faire intégré dans l'inconscient collectif des petits blancs. C'est-à-dire que les petits blancs ont acquis la détestation d'eux-mêmes, vous savez, à cause de ça. C'est-à-dire qu'ils se disent, bah, en fait, on est des salopards, on est des médiocres, on est des gagne-petits, on est raciste parce qu'en fait, on est jaloux. Vous voyez, ce genre de représentation collective, mais qui, à force d'être martelé pendant 50 ans, notamment sous la plume d'enculés comme Cabu, bah, ça produit ses effets. Et ce qui est fascinant, c'est que ce discours de gauche fait totalement jeu du patronat maintenant. Du grand patronat. Et même du petit patronat. D'un certain petit patronat. Parce que vous voyez maintenant, et ça j'arrête pas de gueuler depuis quelques émissions contre ce truc, c'est que vous trouvez des Thénardier qui embauchent des clandestins. Donc en fait, c'est de l'exploitation de la misère totale. Je veux dire, parce que le clandestin qui arrive en France, bon, ça va, il meurt pas de faim, hein, d'inanition, je veux dire, mais le type est dans une relative précarité administrative. Et pour le patron, un mec comme ça, c'est idéal, parce que tu vois, tu peux le faire marner, tu déclares rien, tout est au black, pour ta caisse, ce n'est que mieux, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a une convergence maintenant entre l'extrême gauche anti-française et le pire patronat exploiteur. Et ces gens parlent maintenant de la même façon. Et ça se retrouve dans la presse aujourd'hui. Donc maintenant dans la presse, et c'est récent, ça a 2 ans maximum, maintenant dans la presse, des petits patrons véreux qui ont mis la main sur un Africain qui vient d'arriver, qui savent pertinemment que le gars est en situation réelle, le font bosser. Alors c'est des trucs, si oui, il n'y a pas besoin de qualification, c'est-à-dire qu'ils le font faire la plonge, ils lui font couper des légumes, vous voyez, en arrière-salle, ce genre de trucs, vous voyez. On les présente comme des combattants des droits de l'homme. C'est-à-dire que le Thénardier, près de sa caisse, près de ses sous haineux, qui d'une certaine manière pourrait ressembler à une caricature de Cabu, maintenant est un héros. C'est un héros parce qu'il fait rentrer des halogènes en France. Vous voyez ? Et là, la gauche se frotte les mains. Donc, c'est stupéfiant, mais c'est ce qui se passe maintenant, en ce moment. Ça se passe maintenant, en ce moment. Alors, et les conséquences sociales et économiques, bah, c'est terrible. Parce que le patronat, dans ces métiers, dans ces zones d'emploi, en fait, on n'a pas besoin de gens qualifiés, il n'y a pas besoin de ouais, on a juste besoin d'une paire de bras, quoi, et d'une paire de jambes. Eh ben, ils se frottent les mains. T'as pas besoin d'augmenter les salaires, t'as pas besoin, si tu veux, d'ajouter du capital pour attirer des travailleurs, d'accord ? T'as pas besoin d'être compétitif à ce niveau-là, vis-à-vis du travailleur, parce que t'as les renforts constants du tiers-monde. T'as les renforts constants du tiers-monde. C'est vrai dans l'hôtellerie-restauration, hein, les services à la personne, ok, à gogo, puis je pourrais continuer comme ça longtemps. Alors, le travail est fait avec la qualité qu'on imagine, parce que ces types bossent avec leurs pieds, il faut être clair, ça vient d'Afrique, ils ne savent pas bosser. Quand ils bossent, ils ne savent pas bosser. Donc ce que tu crois gagner d'un côté, en fait, tu le perds de l'autre, en termes de rendement, etc. C'est catastrophique. Ouais, mais comme les mecs pensent court terme, c'est pas un problème. Exactement, exactement, exactement. Voilà. Et on est là, maintenant, à un carrefour où donc, la gauche et l'extrême gauche ouvre les portes à cette immigration de masse pour remplir les caisses du patronat, grand et petit, et le lien est fait grâce à la magie de la rhétorique antiraciste. Le Thénardier qui exploite Mamadou, qui vient de son Mali natal et qui n'a pas de papier, c'est pas un exploiteur, c'est un militant des droits de l'homme. On va faire un papier sur lui dans France 3. Tu vois ? Et il va même dire « Je lance une pétition pour la régularisation de mon employé. Toute la gauche arrive. Extraordinaire. Signez la pétition. » etc. Putain, l'autre, il dit il est en train de faire pression sur les pouvoirs publics pour qu'on lui file un larbin. Et t'as toute la gauche qui fonce, quoi. Je veux dire, et essentiellement, quelle gauche ? Les femmes blanches à l'éducation nationale. Elles adorent ces trucs. Ah, tu l'as dit, encore une fois, les mais femmes blanches d'aujourd'hui, là, c'est... Ah, voilà, non, mais là, on parle aux émotions, c'est les ovaires, on y va, on fonce, quoi, je veux dire, voilà, un petit Mamadou, menacés d'expulsion. On n'expulse personne en France, ok ? Il faut arrêter avec ce mythe, d'accord ? Je ne sais pas où ils trouvent des gens qui sont expulsés, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a 5% d'expulsés en France, je ne sais même pas qui ils expulsent, d'ailleurs, selon quel critère. 95% des gens qui sont censés être expulsés, c'est-à-dire avec décision de justice, hein, avec une OQTF, etc., sont pas expulsés. Ce qui nous donne les sketchs qu'on trouve dans la presse régionale, vous savez, avec des coups de couteau, des meurtres, machin. Le mec, ah oui, bah c'est, il était déjà sous le coup de deux OQTF. C'est-à-dire que le mec était censé être deux fois expulsé. On ne vire personne en France. Il y en a trop. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a trop de clandestins. C'est qu'il y en a trop qui arrivent dans l'année. T'en as 400 000 en 2020, 400 000 en 2021, 400 000 en 2022, 400 000 en 2022. Ça n'arrête pas. Donc, si tu veux, même si tu avais envie d'en virer un peu, si tu veux, il n'y a jamais assez de charters, de là, puis les fonctionnaires s'en tapent, quoi. Voilà. Donc personne ne veut virer personne. La presse de gauche, qu'elle soit à Paris ou dans les régions, en fait des caisses sur les horribles expulsions. C'est-à-dire, quand une fois tu vires un clandestin, quand, je sais pas, il y a un mec dans une préfecture, il se dit, tiens, attends, aujourd'hui, peut-être faire mon boulot, quand même. Non, t'as la presse de gauche qui lui saute dessus, tu vois. Non, bon, d'accord, autant pour nous, on s'est trompé, on n'avait pas compris. Et puis t'as la mobilisation des Thénardier qui disent non, mais moi j'aime mon larbin, je l'aime moi, pourquoi vous allez m'en priver, etc. En plus, il m'a promis qu'il allait faire venir sa famille, donc peut-être que moi j'en aurai trois. C'est ce que j'allais dire. En plus, après, quand leur famille est là et qu'on voudrait les expulser, mon Dieu, mes enfants qui sont scolarisés, on va les déraciner, et pipati, et patati, et patata, et ces gens qui étaient en voie d'intégration, quelle horreur, et hop, et c'est fini. Alors là, vous avez en effet toute l'éducation nationale, qui est là, c'était moi quand j'étais dans l'éducation nationale, j'ai vu des trucs comme ça, c'était extraordinaire de les voir. Par contre, elle n'aurait jamais invité Mamadou le soir, hein. Ah non, ça, après la cuisine aurait été sale. Ça dépend lesquels, enfin bon, en général. Non, mais c'est ça, là, moi, ça me... Donc, de la même manière, d'ailleurs, que la gauche a abandonné l'anti-impérialisme, vous avez qu'à remarquer, la gauche, il n'y a plus de grandes manifestations de masse contre les agressions impérialistes occidentales, ça a complètement disparu. Bah non, ça justement, j'avais noté la chose, c'est que moi, j'ai eu ma petite enfance dans la période Bush. Et là, ouais. Ça y allait. C'était ouais, les Américains, quelle bande de salauds, etc. Machin. Les protestants. Ils aimaient beaucoup dire que c'était des fanatiques racistes protestants blancs qui menaient les guerres au Moyen-Orient. Alors moi, j'étais un peu sceptique parce que je connaissais les noms des grands penseurs des guerres orientales et c'était pas exactement des chrétiens. Ils étaient pas très blancs non plus. Il y avait un peu des deux, mais le truc, c'est alors que... Alors, les guignols de l'info, c'était les rois, voilà. Ce truc-là. Les guignols de l'info, et c'était voilà. Ça. Les guignols de l'info ont vendu ça à une génération entière de crétins qui ont vraiment cru que les guerres de Bush, c'était des croisades blanches, quoi. Ils ont vraiment cru ça. Oui. Alors que c'était les guerres d'Israël, je veux dire. C'était une manœuvre de juifs et de familles liées à Israël. Les Clinton, Brzezinski. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est que quand est arrivé l'éther nègre Obama, éther nègre du moment, tout a changé. Tout a changé. Là, à partir de ce moment-là, Snowden, Assange, c'est devenu des criminels. T'as raison ce que tu dis. C'est-à-dire, effectivement, en France, l'unification de la bourgeoisie de droite et de gauche autour de Macron a eu lieu en 2017. Ça a été très bien décrit par toute une série de sociologues assez honnêtes, dont j'ai pu parler dans l'émission auparavant. Mais quelque part, c'est préfiguré au niveau occidental par l'élection d'Obama. Qui était pensé comme ça. Il disait, oui, c'est vrai que les États-Unis, avec leur guerre au Moyen-Orient, ils se sont mis à dos le monde musulman, etc. Donc avec l'idée d'un conflit de civilisation, en déformant complètement la pensée d'Huntington, hein, vous savez, c'était un... Oui. Huntington, il y a plein de gens qui le citent, mais il n'y a personne qui est capable de... Personne voilà, c'est ça. Ouais, moi, je l'ai lu il y a 20 ans. À commencer par un certain... François Asse. Il l'a pas lu parce que Huntington n'a jamais dit je souhaite un conflit de civilisation. Il a dit à l'ère de l'effondrement des grandes idéologies, les masses du monde vont se rassembler autour de leurs valeurs culturelles partagées. Donc, il décrivait un phénomène, en quelque sorte, de déglaciation et de libération d'énergie culturelle avec des puissances régionales culturelles qui allaient émerger, l'Iran, la Russie, etc. Et il passait en revue un peu le monde, il disait, voilà, il va y avoir, avec la déglaciation qui va s'en suivre, avec la fin de la guerre froide, il va y avoir des zones de tension à caractère culturel et territorial. Et il parlait d'ailleurs de Taïwan, il parlait de l'Ukraine, donc c'était quand même quelqu'un qui voyait quand même assez juste. Et il disait, notamment pour l'Ukraine, il disait, la meilleure solution pour l'Ukraine, c'est un Américain qui parle, hein. Il disait, la meilleure solution pour l'Ukraine, c'est de la partitionner. Il faut la couper en deux. Avec la partie russophone et plutôt russophile à l'est, et la partie ukrainienne plutôt pro-occidentale à l'ouest, il faudrait la partitionner. Ça permettrait d'éviter ultérieurement des conflits graves qui pourraient avoir lieu. Et comme quoi, il était visionnaire, parce qu'il disait ça il y a près de 30 ans. Hein. Et quand je vois tous les gauchistes citer ce gars-là, enfin cet intellectuel américain, comme une espèce de va-t-en-guerre, pensant la suprématie occidentale, enfin, ces gens sont des abrutis. C'est des abrutis complets. Huntington était ce qu'on appelle un paléo-conservateur, c'est-à-dire qu'il était vraiment dans les vieilles valeurs américaines, notamment la fameuse doctrine Monroe. Donc, ils n'ont rien compris. Et capable de penser la différence. C'est ça le truc. Il était capable de dire le monde américain, c'est ça. Les paléo-conservateurs, c'est ça. C'est des gens qui disent, ils sont capables de dire non. Nos valeurs à nous ne sont pas les valeurs des autres civilisations, ces gens-là n'en voudront jamais. Donc arrêtons de vouloir exporter ça, ça ne fonctionnerait, ça ne prendra pas. Sauf que la tortue frite française fait qu'on a assimilé les paléoconservateurs aux néoconservateurs, ce qui n'a absolument rien à voir, c'est l'opposé absolu. Mais on passe après. Maintenant, les descendants des néoconservateurs, c'est des gens comme Raphaël Glucksmann. Bon, évidemment, Bernard Lévy, encore. Mais Raphaël Glucksmann, c'est censé être la nouvelle garde. Bon, rien de nouveau dans ce qu'il dit, mais. Enfin, bon, bref. Mais. Voilà, on est dans ce moment où la gauche est là, et une certaine droite, donc une certaine droite libérale, patronale, converge vers des intérêts très cyniques. Et en fait, habille des intentions qui sont des intentions motivées par le profit, de dessins, caractères moraux, et c'est ce qui est totalement faux. Je veux dire, l'hôtellerie-restauration, c'est pas une industrie qui est motivée, par l'humanisme. Attention, hein, je veux dire, c'est des gens tous les jours. Hôtellerie-restauration oblige, ils font le compte de leur caisse. Hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus un restaurant en France où il n'y a pas de noir en cuisine. Moi, je ne fous pas un pied dans un restaurant où il y a un noir en cuisine. Et les Allemands, je connaissais des camarades, ils avaient des Allemands qui étaient venus à Paris. Il y avait des camarades nationalistes allemands qui venaient. Ils disaient, putain, il n'y a que des noirs dans vos cuisines. Ah, ils refusaient de foutre les pieds dans les restaurants français. Absolument, ils ne voulaient pas en entendre parler. Hein. Et ils ont raison. Mais il n'y a pas. Quand, d'une certaine manière, quand les mecs disent « Ah ouais, mais si vous foutez les immigrés dehors, qui c'est qui va bosser ?» Eh ben, dans certaines industries, c'est pas faux. Parce qu'ils ont tellement remplacé tout le monde pour faire pour économiser, là, comme ça, 2-3 bouts de chandelle, qu'effectivement, il n'y a plus personne qui s'est coupé une pomme de terre. Ah ouais, ça, c'est un fait. Hein. Ça, c'est un fait. Paris, c'est la première ville africaine, je pense, aujourd'hui, hein, clairement. Hein. Ouais, alors, mais je veux dire, non, mais que les immigrés viennent, ça, qu'il y a des noirs qui veulent travailler dans les... C'est pas moi qui leur en fait le procès. Mais je veux dire, faut pas se tromper de... Moi, la charge de l'accusation, moi, je la porte sur les Français. Je veux dire... Ben exactement, c'est les Français les premiers à se dire « Oh, c'est fantastique, je t'ai déjà dit, je crois, une fois... » Il y a longtemps, quand je travaillais encore en tant qu'étudiant, je suis tombé sur un responsable qui me disait « Ah, moi, je préfère travailler avec les Noirs, ils sont plus travailleurs, quand même. Hein. Franchement, les petits blancs, ils bossent pas. Hein. Franchement, les petits blancs, ils bossent jamais. Hein. » Ça va dépendre lesquels, parce que si tu prends des petits blancs qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche et qui n'ont jamais décidé de faire d'efforts, oui, effectivement, ils vont pas bosser. Et si tu prends un mec qui vient de l'autre bout du monde, si tu veux, et que s'il ne bosse pas, il est sous un pont, peut-être que le mec, il va vouloir mettre les bouchées doubles, ça peut arriver. Il y en a aussi beaucoup qui foutent rien. Hein. Bon, faut pas se mentir. Mais le problème, c'est pas ça. Ça, c'est appréhender le problème dans le mauvais sens. Ce qu'on a créé, c'est ce sas d'immigration de masse pour une immigration faiblement qualifiée qui fait les affaires d'un certain patronat qui a besoin de main-d'œuvre peu qualifiée, ça peut être dans le maraîchage, ça peut être dans d'autres trucs, eux font leur fric là-dessus. Ils veulent de l'immigration, qu'on ne fasse pas passer ces mecs-là pour des militants de la cause humanitaire internationale. Mais c'est ça, tu vois, c'est ça le truc qui est terrible là-dedans, c'est ce que tu dis. C'est que les patrons qui, tu vois, dans les années 80, t'aurais des types qui auraient dit, ouais, salaud de patron, vous faites venir des immigrés de l'autre bout du monde. Et c'est ce qui arrivait déjà. Et à l'époque, je me souviens de ce qu'on m'a raconté de ce qui se passait dans les années 80. On m'expliquait, ces salauds de patrons, ils font venir des Italiens et des Polonais pour travailler à notre place. Et aujourd'hui, C'est Zola, c'est Germinal que les gens relient Germinal quand ils faisaient quand les gars ils faisaient dans le nord de la France, ils faisaient grève pour améliorer leur revendication salariale et le patronat il venait venir des Belges travailler dans les mines. T'as qu'à voir les tensions qu'il y avait avec les travailleurs belges, la solidarité entre travailleurs, c'était très relatif, hein. Tous ces trucs là, ça a un siècle. Et c'était entre Belges et Français, alors que bon, on va dire quand même la proximité culturelle était certaine. Donc si tu veux, ce jeu du patronat, il est connu et archi-connu, mais ce qui est sidérant, c'est que la gauche cosmopolite s'est complètement ralliée à ce truc. Tu vois ? C'est-à-dire que c'est progressiste de faire venir des larbins pour le compte du patronat. C'est devenu progressiste. Oui, et même d'ailleurs, en ce moment, j'ai vu que la gauche, elle est même plutôt d'accord pour faire bosser les enfants, d'ailleurs. Hein. Comme quoi, quand il y en a plus assez. J'ai pas vu ça. C'est qu'est-ce qui s'est passé? En gros, en France, c'est pas encore exactement le cas, mais au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis, t'as de plus en plus de mineurs qui bossent, quoi. Tu vois, alors que c'est censé être, tu vois, les pays de progrès et de où on fait pas travailler les enfants, etc. Et pas maintenant, les enfants travaillent comme dans les pays du monde. Enfin. Faire travailler les enfants, enfin faire travailler les plus jeunes, normalement c'est censé être à la main, c'est censé être hyper codé, sauf qu'en fait ce qu'ils veulent ces types là c'est juste encore plus casser le droit du travail. Comme ça en fait après le mâle blanc adulte n'aura plus d'autre choix que de se plier. Ouais. C'est t'acceptes tes 300 euros par mois ou tu fais tes claques et voilà, c'est tout. Bah, l'Ukraine c'est quoi, c'est ça l'Ukraine. On dit aux Ukrainiens, oh, vous allez rejoindre l'Europe, etc. Alors les mecs, ils se disent, oh là là, notre niveau de vie va augmenter. Mais que dalle! Que dalle! On va prendre les hommes en âge de travailler dans leur pays. On va les dispatcher dans toute l'Europe pour les faire travailler dans des usines. Ok? Alors oui, eux, de leur point de vue, ils vont dire, bah ouais, mais je vais quand même gagner. Alors ça va dépendre des pays, parce que attention, hein, si vous allez en Bulgarie, etc., vous n'allez pas gagner des 1000 et des 100. Hein. Donc ils disent, ah bah oui, le patronat en France, il est content. Il travaille déjà avec des Polonais, notamment dans le transport, par exemple. Il y a énormément de Polonais qui font du transport. Il n'y a pas de problème, je veux dire, les Polonais sont très courageux. Je ne leur jette pas la pierre. Mais je travaille d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est la location du travail. Alors, bah, forcément, les entreprises de logistique ont besoin des Polonais. Alors, le maraîchage, on fait venir des gens de Roumanie, on fait venir des gens d'Europe de l'Est en général. Ils travaillent, ils sont courageux. Enfin, bien. Très bien, d'accord. Bon, mais ils veulent aller toujours plus loin, parce qu'on va vers le moins 10 ans. Donc on va aller prendre des Ukrainiens, le salaire médian en Ukraine, c'est quoi? C'est 300 euros? C'est 200 euros? C'est quoi? Alors en plus, ça dépend le créneau, ça va dépendre en plus d'activité. Donc on va prendre des pauvres bourgs, qu'on aura poussés dans la guerre, hein, parce qu'on les a encouragés à l'escalade, et on va prendre. Regardez le jeu cynique des Polonais, les plus agressifs, qui ont récupéré comme ça 3 millions d'Ukrainiens, c'est-à-dire des femmes ukrainiennes et leurs gamins, simplement parce que leur pyramide démographique s'écroule. C'est du cynisme pur. Ils sont en train d'absorber les forces vives de l'Ukraine, le futur de l'Ukraine qui sont leurs enfants. Ils vont les poloniser de force, vous allez voir. Alors, évidemment, c'est pas sous la menace des armes, mais on va les mettre dans les écoles, et ensuite, on va les mettre sur le marché du travail. Le capitalisme polonais, il pense comme ça. Vous comprenez? C'est du cynisme pur. Les Ukrainiens, ils voient rien. Ils sont obnubilés par les Russes. Non, mais vas-y. Attendez, mais vous croyez que les autres, c'est des amis à vous? Non, c'est des impérialistes. Absolument. Les Polonais sont. Il y a un impérialisme polonais dont personne ne parle jamais, d'ailleurs. Il y a un impérialisme polonais. Oui, la Grande Pologne. Hein. Ouais, absolument débridé. Et ils voient les Ukrainiens comme étant leur valet de pied. C'est exactement comme ça qu'ils les voient. Et de la même manière qu'en France, on voit les Polonais comme des valets de pied, etc. Donc, si vous voulez, on est dans cette logique ultra-capitaliste. Et paradoxalement, en Europe de l'Ouest, nous avons cet état énorme, pléthorique, socialiste, d'assistanat généralisé. Et les deux vont ensemble. C'est-à-dire que pour avoir l'assistanat total, vous avez besoin d'une soupape pour continuer à alimenter la machine avec, comment dirais-je, des rentrées de devises. Et comment vous le faites ? Eh ben, vous faites rentrer des larbins par un biais ou par un autre. Et c'est pas vrai que la classe ouvrière française, elle s'en sort comme ça. C'est faux. La classe ouvrière française, c'est elle qui est la première lésée par tout ça. Vous entendez le Parti communiste parler là-dessus ? Vous entendez le Parti socialiste parler là-dessus ? Vous entendez cette espèce d'affreux démagogue de Mélenchon parler là-dessus ? Il ne parle jamais de la classe ouvrière. Moi, j'en ai jamais entendu... D'abord, heureusement qu'il n'en parle pas, parce que Mélenchon serait très mal placé pour en parler. Ça ferait très malhonnête dans sa bouche. Parce que lui, c'est un apparatchik du Parti socialiste, historiquement. Mais ces mecs-là ne s'adressent pas à la classe ouvrière française. Ils ne s'adressent pas aux ouvriers français, ni aux travailleurs français, ou même aux employés français. Ils ne s'adressent pas à eux, ils s'en foutent. C'est vrai qu'il y a une démagogie chez eux, mais ils n'en parlent pas. Donc ils sont d'accord avec le grand patronat pour ouvrir grand les frontières. Et ils vont continuer à les ouvrir, les frontières. Et tant qu'on fera ça, les conditions d'existence de la classe ouvrière française et des employés français ne s'amélioreront pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais, et même Marine Le Pen, vous savez, hein, qui pourtant a un boulevard sur cette question, je n'entends pas parler des ouvriers. Alors qu'ils votent beaucoup pour elle. Hein. Elle parle pas des ouvriers. C'est un angle mort du discours, vous voyez ? C'est un angle mort. Tout le monde dit les ouvriers ont disparu. C'est pas vrai, ils n'ont pas disparu. Il y a toujours des ouvriers en français. Ils sont plus 40% comme ils ont eu été. Mais il y a bien, sous une forme ou sous une autre, 20% d'ouvriers en France. N'est-ce pas ? Donc quand vous ajoutez les employés, tous ces gens qui sont au SMIC ou un peu plus, c'est eux qui se font complètement avoir avec l'immigration. Mais complètement. D'ailleurs, ça se voit dans leur vote. Hein, je veux dire, parce que d'instinct, ils sentent, quoi. Bah d'ailleurs, là en ce moment, j'ai vu que Macron, son truc, c'était de nous expliquer que, attention, il y a les pénuries qui arrivent, et donc avec les pénuries, ça va donner fin au tiers-monde. Donc il faut absolument détourner le blé français pour les... Oui. Moi je dis rien, mais c'est un petit parfum, tu vois, de... Bah, d'Ukraine, tiens. Voilà, d'Ukraine, RDA. Voilà, solidarité internationale, moi, ça fait pas... tu vois, dont le paysan il crève, mais on exporte. C'est ce qu'a fait Staline, hein. C'est ce qui a déclenché. Oui, mais ça a déclenché l'Holodomor, cette connerie. Vous savez que la stratégie communiste de Staline, c'était quoi? C'était pas totalement con, d'ailleurs, du point de vue macroéconomique. C'était de dire, voilà, on est un pays pauvre, agraire, donc la Russie des tsars, que les bolcheviks, dont héritent les bolcheviks en 1918. Et on veut investir dans l'industrie lourde pour moderniser à outrance le pays. Mais pour investir, il nous faut du capital. Alors comment on fait ? Eh ben, on va surproduire dans l'agricole, où on est très fort, et avec les excédents générés en capitaux, on va investir dans l'industrie lourde. On va faire venir des ingénieurs, on va construire des usines, et on va bâtir notre infrastructure dont on a besoin dans l'industrie. Oui, alors ils ont fait ça, effectivement. Voilà. Alors l'Ukraine a crevé la dalle. Il y a eu 6 millions de morts, quand même, avec cette connerie. Entre 6 et 8 millions. Pourquoi ? Bah oui, c'est-à-dire qu'on a lancé comme ça la collectivisation, on a foutu en l'air tout le système de production, et comme c'était beaucoup de l'agriculture vivrière, c'est-à-dire que beaucoup de fermes produisaient ce qu'elles consommaient, vous bouleversez leur mode de production, du jour au lendemain, ils n'ont plus rien à manger. Donc c'est ce qui s'est passé en Ukraine. Alors oui, tous les surplus, ils les ont envoyés dans d'autres zones, d'ailleurs, de Russie, où il y avait des famines qui se déclaraient pour calmer les bases proches du Parti communiste russe, et le reste, on l'a exporté. Alors Staline a industrialisé, ça c'est sûr, mais ça a coûté 8 millions de morts à l'Ukraine. D'ailleurs, donc c'est une des racines du conflit actuel, d'ailleurs. Alors, quand vous voyez Macron dire « mais vous comprenez, on a des grands plans grandioses, parce que quand même l'Afrique, le mondialisme, etc. » Mais qu'on dit aux Gaulois « Ah, désolé les gars, hein, on a quand même des obligations internationales, là, bon, mais c'est pour le grand dessin international. » Moi, je dis, commencez à planter des poireaux, à planter des choux, parce que c'est pas sûr que vous aurez à bouffer l'année prochaine, quoi. Vous voyez, c'est... Ouais, d'ailleurs, justement, ce qui me fait rire, c'est que t'as des Africains qui viennent... alertés. Oh non, on aura plus à manger. Alors que les mecs, ils sont gras. Ils sont gras. Ils sont gras, mais ils crèvent de faim. C'est Macky Sall, ça. C'est Macky Sall, le président sénégalais, qui était récemment par exemple, en Poutine et qui était ensuite en France, effectivement. Ouais. Oui, ben voilà. Bah donc, et c'est ce qu'on dirait pas aux Français, c'est qu'on leur dira pas. Ouais, mais en fait, Poutine, il va quand même vendre du blé. Peu importe d'où il aura pris, que ce soit de Russie ou d'Ukraine, il le vendra aux Africains. Donc en fait, les mecs en France, continuez comme d'habitude et au contraire, développer notre agriculture, notre autonomie alimentaire, comme a fait la Russie d'ailleurs depuis plusieurs années. Non, mais écoutez, sauf que non, on va pas le faire. Voilà. Sauf le que rôle voilà, de la France, Macron... c'est pas de nourrir l'Afrique, faut arrêter. Quoi, non, oui, oui. Mais bon, d'ailleurs, en même temps, j'ai envie de dire, tu vois. Macron, Molotov, ça commence par les mêmes lettres. Ça commence par les mêmes lettres. D'ailleurs, si la Russie se met à alimenter l'Afrique à la place de la France, ça pourrait venir faire capoter le projet de Macron, qui est de leur envoyer du blé, pour justifier ensuite une famine. Donc, je pense que c'est pas mal. Ça va peut-être faire capoter leur projet de faire venir des millions et des millions d'Africains sous prétexte climatique. Si... il n'y a pas de famine en Afrique à cause des grâce aux Russes. Alors, eh bien, c'est ce que j'espère aussi, hein, franchement, parce que que ce soit Macron ou les gauchistes, ils veulent vraiment faire ramener un maximum d'Africains sous prétexte climatique. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. La France nourrit pas l'Afrique. Hein. La Russie nourrit beaucoup l'Afrique du Nord, mais je crois qu'un des calculs de Macron, c'était de prendre la place de la Russie en Afrique. Ah ok, autant pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Il y avait cette idée-là. Mais attention, entre-temps, avec l'embargo, d'utiliser les tensions sur les ressources pour exploiter l'immigration d'Afrique. Alors, pour générer l'immigration d'Afrique. Tu vois ce que je veux dire ? Les deux, mon général, tu vois, c'est... Tu suscites la crise alimentaire en empêchant les Russes d'exporter vers l'Afrique, qui est un des débouchés de leur production. Tu prends une partie des marchés libérés, et en même temps, sur les tensions alimentaires, se déclenche un phénomène d'immigration que tu fais venir vers la France, puisque c'est le calcul du grand patronat pour des raisons démographiques, dites de vieillissement. Et pour faire perdurer le système d'assistance, enfin cette espèce de pyramide de Ponzi là qu'on appelle l'État français. Voilà. Vous savez, c'est du machiavélisme terrifiant, parce que si ces gens-là vont au bout du bout, je veux dire, ça va détruire totalement. Je ne crois pas que la France y survive. Alors on va donner un peu la parole à Vincent. On a dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu veux intervenir sur tes points dans tout ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a un point en particulier qui t'a paru je pense qu'il y a quelque chose qui t'interpelle. Moi, je voulais réagir par rapport au courrier de la Suissesse, là, parce que on s'en est un peu écarté, c'était très bien, hein, mais et un peu par rapport à ce que toi aussi tu as dit. Et quand tu dis que ces gens viennent avec une idée de revanche sur la colonisation, c'est tout à fait vrai, en fait. Il y a vraiment chez eux une idée de, eh bien, quand on est en Europe, on peut faire toutes les fraudes que l'on veut, comme ce noir la faisait, parce que de toute façon, avec tout ce qu'on nous a volé avec la colonisation, ce n'est que de la récupération légitime. Et voilà pourquoi ces gens n'hésitent pas, en effet, à, sur notre sol, faire toutes les fraudes possibles aux allocations familiales, aux allocations handicapées. Je connaissais quelqu'un en Suisse, parce que, bon, peu importe, mais je pointais au chômage, à l'époque, il fallait encore pointer. Et je les entendais parler où je parlais avec eux, et il y avait un noir qui me disait qu'il était sur trois pays différents pour toucher les allocations familiales. Il était sur le Luxembourg, la Belgique et la France. Et quand j'étais en prison, c'est pareil. Il y en a qui me racontaient les fraudes qu'ils faisaient. Parfois, ils tombaient pour ces fraudes. Et justement, c'était souvent d'ailleurs pour des affaires de vengeance familiale ou de vengeance entre complices. Je me rappelle, il y en avait un, il me racontait comment il faisait, par exemple, des fraudes, même aux antiquaires. Ils allaient en Afrique, et il me disait, par exemple, il y avait toujours une case qui était vide, parce qu'on la pensait maraboutée, etc. Et alors, cette case, c'était des vieux arbres qui avaient permis de les faire, c'était des arbres qui étaient pluricentenaires. Alors, il l'a racheté pour 50 euros... au chef du village, qui était très content d'avoir ses 50 euros, pour eux c'était une fortune, ils prenaient la poutre centrale, ils allaient dans un autre village et ils demandaient à des sculpteurs noirs de faire des statuettes, comme ils faisaient il y a plusieurs centaines d'années, puisque chez eux ça n'a pas évolué, l'art. Et alors, après, il les passait dans le feu pour les vieillir, etc. Et il revenait en Belgique et il les revendait aux antiquaires comme des statuettes qui avaient plusieurs siècles. Vous savez, des statuettes que les boomers aiment bien acheter. Ça fait très bien d'avoir une statuette noire dans son salon ou dans son entrée. Et donc, il revendait ça des 100 et des 1000. Parce qu'il disait, mais ce sont des vraies vieilles statuettes. Alors, ce que faisaient les antiquaires en général, c'est qu'ils en prenaient un petit bout pour le faire analyser, pour voir si c'était bien des vieux arbres. Mais comme ils avaient acheté ça sur des vieux arbres pluricentenaires, ça marchait. Bon, alors, ils m'ont raconté tout ça, ils m'ont raconté toutes leurs fraudes qu'ils faisaient. Alors, bon, ça, c'était les fraudes, le must, mais les fraudes aux allocations familiales, aux allocations handicapées que j'ai pu entendre, c'était carrément faramineux, phénoménal. Mais encore une fois, c'était toujours, de toute façon, on a été colonisé, on a été pillé, donc on récupère. Et quand tu parlais, par exemple, que pour les Maghrébins, les croisades, c'était il y a 72 heures, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de voir les films qu'ils font. J'ai vu des films, alors faits avec des moyens d'ailleurs informatiques, sur les croisades, justement, dont on ne parle pas chez nous. Hein, parce que justement, ce sont vraiment des films où ils montrent les croisades, et ils montrent comment leurs armées se sont opposées, et c'est vrai, c'est vraiment des films de propagande anti-blanc. Voilà pourquoi la gauche n'en parle jamais, hein, vous ne verrez jamais sur les écrans ces films-là, mais c'était très très intéressant. Et ces gens, en effet, ont d'autant plus pour eux tous les droits, et ils prennent toutes les initiatives, que de toute façon, ils ont toujours l'excuse suprême, c'est si ça se passe mal, si on me rappelle à l'ordre, vous êtes des racistes. Vous êtes des sales blancs racistes. Et ça, c'est chez eux, c'est vraiment devenu une seconde nature, traiter le blanc de raciste. Donc, bah c'est synonyme, en fait. Hein. C'est ça. Le blanc est un raciste. Voilà, blanc, raciste. La blanchette, la face voilà. De craie, oui, oui. C'est un raciste. Et donc, ils en deviennent très revendicateurs. Moi qui ai traîné beaucoup dans toutes ces caisses, parce que j'étais dans des situations souvent très très délicates, dans toutes ces caisses d'allocation, j'ai vu à quel point ils sont très revendicateurs, et surtout, soit ils ont en face d'eux des gens, voilà, des gauchistes, qui vont leur dire, mais bien sûr, on va vous aider, c'est scandaleux, mon pauvre, etc. Soit ils ont des gens qui sont terrorisés, parce que dès qu'ils leur disent, ah ben non, vous avez pas le droit à cela, ah comment c'est le racisme encore là, et les gens sont terrorisés, j'ai vu même à la poste, partout, les gens tout à fait terrorisés. Et donc, il y a un espèce de cocktail détonnant où ces gens se disent on ne fait que prendre notre revanche sur la colonisation. De toute façon, la face de craie, c'est un raciste, et il profite en plus de la gabegie de l'État, de l'absence de lien entre les différents pays pour les caisses d'allocations familiales et tout ça. Ils en profitent avec un zèle extraordinaire. Et puis alors, on me parlait par rapport à cette femme, par rapport à cette Suissesse, qui évite à son entreprise tous les problèmes qu'ils ont. Et c'est tout à fait vrai. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises où ils ont extrêmement peur à cause des testings. Oui. On n'en a pas parlé de ça, mais ils ont extrêmement peur parce qu'il faut voir comment ils sont rôteurs. Et je parlais avec un gars en prison qui avait un club d'échangistes et qui était tombé pour proxénétisme, enfin peu importe. Et alors alors c'était très intéressant là aussi. J'ai rencontré tellement de gens extraordinaires qui m'ont fait pénétrer dans tous ces milieux que j'ai pu voir, et ils me disaient c'est extrêmement grave parce que ils nous envoient par exemple des gens justement pour le service, ils envoient volontairement un blanc et un noir qui auront le même profil. Et si on prend le blanc, on peut être sûr que dans les 15 jours, on aura un contrôle. Parce qu'ils vont dire, ah, mais pourquoi vous avez pris ce blanc et pas ce noir, là, etc. Et ils me racontaient, dans les grandes entreprises, ils sont terrorisés à cause de cela. Et donc, il faut qu'il y ait, voilà, une Suissesse comme ça qui essaie, et sinon, des fois, ils se disent, bon, ben, tant pis, on en prend parce que, un jour, ça va être un testing, voilà, on va tomber, ça va être horrible. Voilà. Et alors, Dernière chose que je voulais ajouter, c'est que c'est tout à fait vrai aussi. Les patrons, le capital, le capitalisme, les capitalistes ont toujours été une plaie pour le pays. Aujourd'hui, tu as tout à fait raison, ils sont une plaie parce qu'ils font venir, ils permettent la venue de tous ces clandestins pour les prendre comme esclaves. Et il y a un siècle, ça a été la même chose avec l'exode rural. Ils ont pris toutes ces... Alors ça, c'était des populations blanches de la campagne, et qu'ils ont employées pour des salaires de misère, et ils ont appauvri ces gens, ils les ont déracinés, toujours d'ailleurs au motif de « Oh, mais on leur fait profiter !» À l'époque, c'était le progrès technique. Alors que c'était pour les exploiter, et il faut lire le livre sur toutes les enquêtes qui ont été faites sur la condition ouvrière au 19e siècle, hein, parce que Zola, Germinal, on cite ça, mais c'est rien par rapport aux vraies enquêtes qui étaient faites par des, pas par des sociologues à l'époque, mais par des gens qui étaient envoyés par l'État pour voir où ça en était. Et notamment, il y a quelqu'un qui a fait une enquête de 2 ans, parce qu'à l'époque, on pouvait prendre son temps, qui raconte la condition des ouvriers, par exemple, dans le Nord, à Lille. Des ouvriers qu'on faisait vivre dans des caves avec les, je veux dire, s'il y avait des fenêtres, parce que c'était pas forcément des caves absolument souterraines, elles étaient, les patrons pour éviter que les carreaux soient cassés mettaient en fait à la place des planches de bois. Donc des gens qui étaient dans le noir, il n'y avait qu'un lit. Toute la famille dormait dans le lit à tel point que des fois quand une femme se retrouvait enceinte, on sait même pas de qui elle était enceinte. Ça pouvait être, du mari, mais ça pouvait être d'un autre qui était là, ça pouvait être du beau-frère, ça pouvait être du grand-père, enfin, ils ne savaient pas, ils racontent des choses effroyables, et des gens que l'on faisait travailler, je veux dire, sur leur lieu de travail, déjà, c'était 12 heures, 14 heures, mais comme ils pouvaient pas, des fois, être près de l'usine, leur journée durait 18 heures, et quand tu parlais du travail des enfants, où c'était Sobieski, c'est tout à fait vrai. À l'époque, on faisait travailler les enfants, et comme ils étaient petits, on les faisait travailler dans les rouages des machines. Et ils racontent que quand il pleuvait le soir, et que les ouvriers rentraient chez eux, ils n'avaient même pas de quoi se payer un parapluie, eh bien, les enfants étaient les plus chanceux, parce que comme ils étaient couverts d'huile, de toutes les huiles des machines, eh bien, la pluie suintait sur eux, elle ne les imprégnait pas. Et ces gens-là rentraient le soir et n'avaient qu'une envie, c'était de se coucher et ils repartaient le matin. Enfin, c'était ça à l'époque, la condition ouvrière. Alors, c'était des blancs. Et une fois que les blancs ont eu, ça a été tari ou qu'ils ont commencé à dire, ah non, mais attendez, mais maintenant, nous, on voudrait mieux. Aujourd'hui, c'est avec les pays du tiers-monde, en gros. C'est-à-dire que le capitalisme a toujours fait une chose. Il suce l'énergie, la moelle et toutes les ressources des peuples. Le capitalisme, c'est la plaie. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, moi, pendant la Seconde Guerre mondiale, j'aurais encore une fois soutenu à 200% l'Allemagne nationale-socialiste parce que elle voulait libérer l'Europe, au moins, de ce chancre capitaliste. Et on ne dira jamais à quel point ces patrons ont été de tout temps, mis à part noble exception, ont été vraiment des census sur notre peuple. Et le pire, et j'en termine là, ils n'étaient pas tous juifs. C'est ce qu'il faut dire. Hélas. Hélas. Il y avait des bons chrétiens qui étaient là, qui donnaient aux associations de charité, puis qui après exploitaient leurs ouvriers de façon... Voilà. Merci. Non. Mais... C'est absolument juste. Alors, il y a des gens qui vont dire, moi, je suis capitaliste, je suis libertarien, je suis pour moins de rôle de l'État, etc. Parce que, oui, mais c'est une censure contre une autre. C'est-à-dire qu'en fait, la macro-censure, aujourd'hui, c'est l'État. Voilà. Mais c'est cyclique. Aujourd'hui, c'est l'État immense, énorme, avec ses bordées de bureaucrates qui pompent l'énergie vitale, justement, des forces productives. Absolument, totalement, c'est très juste. Mais ils ont toujours fait ça. C'est une conjuration de tous les parasites. En fait, ce qu'on a à faire face à nous, que ce soit les financiers juifs, que ce soit les bureaucrates de cet État, comment dire, pachydermiques, que ce soit ses petits patrons, je ne dis pas tous les petits patrons, je dis que certains petits patrons qui se livrent comme ça à cet appel à l'immigration clandestine, c'est cette coalition énorme de gens qui disent non, mais nous, il nous faut de l'argent tout de suite. Il faut générer du profit tout de suite, immédiatement, là, tout de suite, voilà. C'est ça. Générer, c'est le capitalisme. C'est l'absence de prévision pour générer des profits immédiats. Et ça nous amène à la catastrophe, bien sûr. Fatalement, puisque... D'ailleurs, c'était ce qu'avait dit, Delevoye. Je l'ai cité à plusieurs reprises dans l'émission, et on a même mis l'audio à l'époque de sa déclaration. Il s'exprimait sans surprise aucune, en banlieue parisienne. Il était à l'époque nommé par Macron pour piloter ce qu'ils avaient appelé la réforme des retraites. Ça, c'est le serpent de mer de la première présidence Macron et de la deuxième. Vous avez entendu parler de ça, il dit « je vais la faire voter en 2023 ». Il va la faire voter, je vous rassure. Je préfère mettre un terme au suspense qui n'existe pas sur ce sujet. Delevoye se présente dans une banlieue d'Île-de-France. Il prend la parole devant un parterre de gens invités pour l'occasion. Donc il est à l'époque quand même un responsable du gouvernement. Alors il est tombé par la suite parce qu'on a su qu'il cumulait, je ne sais plus combien, une dizaine de mandats. C'est la démocratie la plus assumée, hein, donc ça veut dire la plus corrompue. Mais à l'époque, il était encore en fonction. C'est pas très vieux, c'est il y a deux ans. Alors il dit à ce parterre de jeunes de banlieue, alors jeunes de banlieue, qu'est-ce que ça veut dire? Les Africains et les Arabes. Écoutez, il y en a assez du racisme. Très révélateur comme amorce de discussion. Cette islamophobie, ça suffit avec tout ça. Il y en a assez. Le public, forcément, est plutôt séduit par l'amorce. Hein, parce que le public est musulman. La France a besoin d'immigration. Oui, elle en a besoin. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. D'ici 2050, l'Europe aura besoin de 50 millions d'immigrés. Ah! Un chiffre dont on n'avait jamais entendu parler, sauf dans quelques cercles très restreints de la droite nationaliste. Mais en dehors de ça, personne n'avait jamais entendu parler. C'est un responsable de l'État français, en charge du pilotage des retraites, de la réforme des retraites de Macron. C'est des chiffres qu'ils ont entre eux dans tous les ministères. Il n'y a aucun mystère là-dessus. Ils n'en parlent pas en place publique, parce qu'ils savent la sensibilité de l'opinion sur le sujet. Mais entre eux, entre hauts fonctionnaires, entre hommes politiques, à la présidence de la République, à Bercy, ils le savent tout ça, depuis 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils savent tout ça. C'est ce qu'ils organisent avec la délivrance de visas. Les 400 000 visas de Macron tous les ans, vous croyez qu'ils viennent d'où? C'est ça. C'est les 50 millions de types dont ils pensent qu'ils ont besoin. Ou que le patronat a besoin. Et comment ils expliquent ça? Ils disent, c'est simple, il n'y a pas assez de gosses en Europe. En Europe de l'Ouest, hein. C'est le grand capital qui s'exprime, hein. C'est pas l'Europe de l'Est où il n'y a pas une usine, hein. C'est l'Europe de l'Ouest. Hein. Donc il nous faut 50 millions d'immigrés, en 30 ans, un peu moins, 28 ans maintenant. 50 millions. Ah bah ça fait quand même du monde, hein. Ça fait un pays européen entier, comme l'Espagne, la France, l'Italie, grosso modo, hein. Quelques millions près. C'est pas une petite louchée, hein, en 30 ans quand même, on est d'accord, hein. Donc il nous faut ça tout de suite, dans les 30 ans. Mais non seulement ça, mais il va falloir en plus les faire bosser. Ah bah, ils se posent aucune question, ils savent pas si c'est faisable, ils savent pas si ça va être réalisable, ils savent pas combien de temps en termes d'énergie... Non, ils s'en foutent, c'est vraiment du calcul purement démographique, voilà, il nous en manque 50 millions, non, il nous en faut 50 millions, voilà. Et comme la logique démocratique accompagne le truc... Ben, un homme, une voix, bon, ben voilà, oui, il vient du Pakistan, il vient d'Afghanistan, et alors, quelle différence? Je dis, on faisait venir des Bretons et des Auvergnats, et alors, c'est bien pareil, ça, ma foi, hein, voilà, vous n'êtes pas raciste, quand même, monsieur, bon, hein, voilà, on est tous égaux, voilà. Alors, on lance le processus. Alors maintenant, il y en a à peu près, d'après mes calculs, il y a environ entre 16 et 17 millions d'allogènes en France. Ils sont pas tous musulmans. Mais il y a 17 millions de non-blancs en France. Alors, il y a des Antillais, donc des gens qui sont en contact avec la France depuis longtemps, dans le cas des Antillais, des Polynésiens, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des Maghrébins. Alors, pour les Algériens, ils sont en contact avec la France depuis deux siècles. Bah, oui, c'est beaucoup, mais c'est quand même très difficile, la preuve. avec les Algériens. Il y a beaucoup de tensions, encore aujourd'hui. Même entre l'État français et l'État algérien, ça se passe très très mal. Ce sont des insultes permanentes. Alors que ça fait 2 siècles que la France est au contact direct des Algériens. Bon. Ben, on nous dit non, on va en installer des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions. Et vous allez voir, ça va résoudre tous nos problèmes économiques. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ben, c'est que d'abord, on va rajouter du poids mort sur une bête qui est déjà très malade, c'est-à-dire l'économie française, qui est criblée de dettes. Nous allons avoir des poches ethniques gigantesques, de gens qui n'ont plus aucun contact avec les Français de souche, c'est-à-dire les habitants historiques de la France, donc qui ne savent même plus ce que c'est que la culture française, ils ne savent pas. Ils ont les réseaux sociaux, ils ont beaucoup d'américanisation aussi, hein, par les comportements, c'est-à-dire fast-food, paire de Nike, jogging, gangsta rap, ok, d'accord. Et puis les rapports avec les Français, bon, bah, c'est quand même très limité. Et de ce qu'ils vont retenir de la France, c'est qu'on peut aller à la CAF et ce que leur disent le prof de gauche local. Hein, c'est-à-dire que les Français sont des salopards de colons. Bon, ce qu'eux-mêmes pensaient déjà, mais bon, voilà. Donc, ce que nous disait Delevoye, c'est qu'on allait transformer la catastrophe actuelle en désastre nucléaire. Et il était très content. Et il disait ça aux halogènes. Donc, en fait, l'halogène, face à ça, donc le jeune beurre de banlieue, le jeune noir de banlieue, il écoute un Delevoye et lui dit, mais en fait, nos grands-parents, ils ont reconstruit la France. Un peu nous, maintenant, on va sauver la France, on va bosser pour la France. Alors, les mecs n'ont jamais contribué nettement à la France. Mais bon, peu importe. Dans leur tête, c'est tout ce qu'on leur a dit, jamais les pouvoirs publics. Donc, ils auront coûté nettement au budget de la France pendant un siècle. Dans leur tête, c'est exactement l'inverse. Ils auront contribué nettement au budget de la France. Tout ça pourquoi ? Parce que l'État social français, avec ses hauts fonctionnaires, ne raisonne qu'en termes démographiques, c'est-à-dire il me faut un client à la place d'un autre client. Donc s'il y a un Gaulois qui meurt, il me faut un autre mec. Vous me le faites venir de n'importe où, voilà, mais il me faut un cotisant. Parce que retraite, parce que sécurité sociale, parce que... etc. Puis le capitalisme. Ah, moi, il me faut un larbin dans ma cuisine, hein. Oh, je sais pas d'où il vient, de l'Hindou Kush ou bien de l'arrière-pays de Gambie, j'en sais rien, mais moi il me faut un mec en plonge. Et puis rapidement encore. Donc démerdez-vous. Et c'est ce qu'avait dit Valls quand on l'avait interrogé sur... C'est Zemmour qui l'avait interrogé, c'était il y a 1 an et demi. Avant que Zemmour se lance, il y a 1 an maximum. Valls essaye un retour en grâce, qui a d'ailleurs échoué récemment, vous avez remarqué ça. Et alors, Valls était, vous savez, dans son exercice privilégié, qui était celui du péril musulman. Parce que c'est le grand truc de Valls, hein, l'islam va tous nous bouffer, ce qui est vrai, sauf si il y a une réaction, mais en tout cas, démographiquement, c'est vrai. Mais dans l'imaginaire de Valls, il s'agit de défendre les Juifs, quoi, hein. Et alors, Zemmour, bon, bah, ma foi, ça met à son crédit, lui dit « Oui, mais monsieur Valls, vous êtes bien gentil, mais vous avez été au ministère de l'Intérieur, vous avez été ministre de l'Intérieur. Et puis vous avez même été Premier ministre. Vous avez délivré des visas. Alors, vous qui délivrez des visas, vous êtes quand même très mal placé pour dire aujourd'hui qu'il y a un problème d'immigration ?» qui serait à la racine de dysfonctionnement dans l'intégration des nouvelles populations qui arrivent. Et là, Valls, bah, peut-être pas fouillant, dit « Oui, oui, oui, mais en fait, la France aussi a des besoins économiques. » Donc, Valls a vendu le truc. C'est-à-dire qu'en fait, le ministre de l'Intérieur, qui est un pion, qui peut être dégagé à n'importe quel moment de sa fonction, hein. Et ils tremblent tous, hein. Tous les ministres de l'Intérieur tremblent de se faire révoquer, tous, sans exception. Eh bien, il est convoqué à une réunion, en petit comité, hein. Voilà, sous les lambris, c'est très bien. C'est feutré, hein. Il y a là des très grands patrons. Et on lui dit, bah, nous avons besoin de tant de personnes, de tant de trucs, dans tel secteur, tel truc. Vous comprenez, donc il faudra délivrer des visas. Alors là, Valls, qui était ministre, et comme son successeur, ils veulent être obligeants. Donc ils disent, bien sûr, évidemment, vous avez raison, bien sûr. Donc c'est ça, ces politicards. démocratique. C'est-à-dire que les mecs, ils sont dans des réseaux où ils sont les obligés des puissances financières, économiques, des vrais donneurs d'ordre. En public, quand on va voir la plèbe, on lui dit, bien sûr, je sais que vous avez peur de l'islam radical. Il y a encore eu un attentat. Il y a encore eu un Français qui s'est fait égorger. Bien sûr. Mais nous allons agir. Moi-même, j'agis constamment. Regardez, nous venons de fermer une mosquée, là, tout de suite. On vient de la fermer. Bon, elle est rouverte 6 mois plus tard. Mais ils sont professionnels de ça, de se foutre de la gueule du public en général. Malheureusement, les Français... Ça a commencé avec Giscard, entre autres. Là, oui, ça c'est devenu massif, vraiment massif. Quand ça a commencé, en tout cas, on y est à plein pied dedans, et les gens... Bah, en tout cas, c'est devenu vraiment très massif à partir du vase Giscard, et surtout, Giscard, lui, il a vraiment théorisé au niveau de la loi, tu vois. Ah oui, avec le regroupement familial, l'immigration, oui, tout à fait. Enfin, lui, avec Chirac, il a suspendu l'immigration de travail, mais ce qu'ils ont fait avec Chirac, c'est qu'ils ont lancé le regroupement familial. C'est ça qui s'est passé. D'abord, je vois des souverainistes qui disent « Ah, De Gaulle, mais De Gaulle quoi ?»« De Gaulle quoi ?» Sous De Gaulle, l'immigration non-blanche a explosé. C'est là que ça a commencé. Oui, en privé, il s'en est plaint. Oui, en privé, il s'en est ouvert au ministre de l'Intérieur de l'époque, en disant qu'il serait temps de réduire l'immigration non-blanche en France. Et imaginez-vous ça. Alors qu'il disait ça en petit comité, alors qu'il disait ça à son ministre de l'Intérieur en 67. En disant qu'il serait temps quand même qu'on mette un frein sur l'immigration non-blanche. Il disait, le peuplement de la France a été déjà très altéré, très modifié dans sa structure par l'immigration qui existe dans ce pays. Imaginez-vous que De Gaulle, en 67, trouvait que la population française avait déjà été profondément dénaturée par l'immigration, en 67. C'est-à-dire que vous remontez en 1920, la France, c'est une carte postale du Troisième Reich, au niveau des phénotypes. C'est que des blancs. Et c'était déjà altéré déjà bien avant, en réalité. Il y a des cartographies là-dessus. Hein. Oui, attention, pardon, je t'interromps. J'ai une brochure du patron de la police judiciaire parisienne, qui en 1900, je crois que c'était en 1907, dit que, attention, on est déjà menacé par l'invasion non-blanche, en 1907. Et il y avait déjà des statistiques. Je l'ai même cité dans deux ou trois vidéos. Donc ça, voilà, c'était déjà là. Oui, parce que immigration d'Europe de l'Est, notamment juive, immigration méditerranéenne, et les gens ne le savent pas, et je vois ce truc sortir sans arrêt, à l'extrême droite. Nous demander de nous féliciter d'avoir une espèce de truc brun. La France, il y a 130 ans, donc au 19e siècle, était une France aryenne. C'est de phénotype clair qu'on trouverait aujourd'hui dans le nord de l'Europe. Les gens ne savent pas ça. Ils ont l'impression, aujourd'hui, on voit des créatures marron, brunâtres, le cheveu dégueulasse, la peau verte, l'œil brun, vous voyez, des phénotypes qu'on trouve dans le bas-fond du sud de l'Italie, au fin fond de la Grèce, ou je ne sais, en se disant, bah oui, mais ça a toujours été la France. Pas du tout, mais jamais. C'est une innovation due à l'immigration de masse. Et il y avait déjà des alertes. En 1907, je ne le savais pas. Mais je savais déjà que dans les années 20, les gens étaient effrayés en disant, mais attendez, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce pays, quoi. Pardon, voilà. Je rectifie, c'était pas en 1907, c'était en 1897. J'ai la brochure devant moi. Bah, c'est pas c'est de Jacques Bertillon, ouais. Chef des travaux statistiques de la ville de Paris, et une brochure qui s'appelle « Le problème de dépopulation ». Et il cite, c'est « La France colonisée par les étrangers ». C'est à la page 18, et il cite une... Et il y a une statistique qui remonte à partir de 1851 avec les étrangers naturalisés. En 1851, il y avait 13 000 étrangers naturalisés en France. Et en 1891, il y en avait déjà 170 704. Ah ouais, ouais. Voilà. Mais c'était surtout des... de 1897 que j'ai cité plusieurs fois dans des vidéos. Imaginez, on en est à 17 millions. Mais c'était surtout des Polonais, Espagnols, Italiens au 19e siècle. Oui, mais c'est pas mieux. Mais voilà, c'était l'esprit qui était là déjà, la République naturalisée. Oui, j'en dis qu'on vient pas. Donc il faut pas dire ah ouais, mais à l'époque c'était dit. Mais non, c'était là justement. Et c'était ça, drame. L'esprit. Et Bertillon le disait, vous êtes colonisé par des étrangers. Ça y est. Mais d'ailleurs, moi, parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène d'enrichissement économique dû à l'immigration, et puis il y a une autre finalité qui est en parallèle, c'est la disparition du peuple autochtone. Et je dirais même, s'il y a une finalité qui prime sur l'autre, entre l'enrichissement économique et la disparition des peuples, populations originelles, c'est la finalité d'extinction des Blancs. L'économique, c'est plus un moyen, il me semble. Il faut expliquer une chose aux gens. Si moins d'immigration, ça veut dire un niveau de vie qui est moins élevé, il faut le faire. Il faut accepter une baisse du niveau de vie de 10 ou 20%. Dire l'inverse, c'est un réflexe bourgeois. Donc quand vous voyez la gauche, et les syndicalistes notamment de la CGT, dire « mais vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'on ferait sans les immigrés ? Voilà, le niveau de vie, c'est pas... » Eh bien, il faut dire « bien sûr, oui, effectivement, il y a des critères qui sont beaucoup plus importants » que 10% de plus à la fin du mois. Oui ? Oui, c'est, comme tu dis, c'est un réflexe de bourgeois, parce que les bourgeois, eux, ça les fait chier, mais les pauvres, ça va changer quoi quand t'es un prole blanc ? Je veux dire, à un moment, faut arrêter. Je veux dire, l'Union soviétique, malgré tout, leur système à la con, ça les a préservés, parce qu'il y a personne qui avait envie d'aller là-bas, mais en attendant, les types, ils sont entre eux. Donc à un moment, je veux dire, on n'a rien sans rien. Et le problème, c'est qu'il y en a plein, tu vois. Et notamment dans la droite identitaire plutôt bourgeoise, qui nous explique que oui, mais quand même, faut qu'on fasse ça tranquillement, etc. Mais non. Sinon, c'est la fin de la diversité française. Oui, enfin, le socle biologique français est très gravement attaqué maintenant depuis effectivement plus de 100 ans. On atteint des dimensions complètement énormes. Et c'est vrai qu'on voit, donc on voit maintenant des gens, si tu veux, qui ont des phénotypes, pardonnez-moi, d'Andalous. Hidalgo est une Andalouse. Hein. J'ai vu des Andalous avec un meilleur phénotype que ça, quand même. Parce que, franchement, la France, c'est particulièrement gratinée. Oui, je sais. Mais ça n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que... Et c'est fou ça de voir. Mais c'est fou et ce n'est pas fou. C'est logique. C'est-à-dire que vous allez voir que des populations qui ne sont pas des Noirs d'Afrique ou qui ne sont même pas des Maghrébins, mais qui sont de race louche, vont vous agresser racialement parce que vous avez un phénotype clair nord-européen. En vous disant, mais qu'est-ce que vous. Alors, soit vous êtes consanguin, etc. Alors, ça nous fait marrer parce que, bon, la consanguinité est un trait, par définition, d'Afrique. C'est pas un trait européen, encore moins nord-européen. Nord-africain même, hein. Oui, très nord-africain. Voilà, ou turc, machin, mais pas du tout nord-européen. Mais c'est l'attaque, et c'est l'attaque raciale. C'est l'attaque raciale, et ça, il faut l'avoir à l'esprit. Hein. C'est-à-dire que ces gens sont constamment sur des positions d'hostilité raciale, qu'ils ne le disent pas nécessairement textuellement. Et je le dis, ces gens-là ne sont pas des Noirs, ne sont pas des Arabes, mais ils ont Mélenchon, Hidalgo. Ils ont des ascendants. Ah. Super louche, et ils bossent pour les autres. Et comme on n'a pas cette lecture raciale, on ne comprend pas tout ça. Et on ne comprend pas pourquoi. Bah, c'est ce que disait. Enfin, c'est les propos de Céline, parce que si tu veux, quand t'es submergé par l'Afrique, quand tu lis Céline, tu dis oh, quand même Céline, il abuse. Il s'énerve parce qu'il y a des Polonais chez lui. Oui, mais non, parce que Céline, en fait, si tu veux, il a déjà sous les yeux, si tu veux, la banlieue française des années 20, des années 30. Il voit déjà que tu as le tiers-monde de l'époque qui est en train de débarquer de partout, que les autorités françaises non seulement ne font rien, mais encouragent le phénomène. Et il se dit, les Français, tu leur donnes encore, encore 50 ou 75 ans, et ils sont rétamés, c'est terminé, ils auront disparu. Bah, il ne s'est pas trompé de beaucoup, hein, le père Céline, hein, entre nous soit dit. Hein. Et c'est pour ça qu'il a eu des propos d'ailleurs sur le nord de la France qu'aujourd'hui en fait qui conserve une partie de pertinence mais pas totalement parce que maintenant l'immigration est tellement partout si tu veux t'as l'Afrique à Lille enfin tu peux plus schématiser aussi facilement mais c'est normal que dans ces conditions-là, si tu veux, tu vois tout d'un coup l'Allemagne se lever, mettre en mouvement la race blanche, tu vois, bah forcément, tu te dis, bah voilà, voilà, il reste une nation blanche en Europe, c'est la nation allemande d'Adolf Hitler, et voilà, il n'y a que ça, parce que sinon, derrière, c'est le naufrage. Alors, les mecs, enfin, les juifs ont essayé de lui faire la peau en 1945, mais il s'est planté sur rien du tout, sur rien du tout. Le constat qu'il avait dressé, les prévisions qu'il avait faites dans son génie, ont été totalement, totalement vérifiés, on le voit. Alors maintenant, on est là, moi je veux bien, enfin, il y a des gens qui essayent de se raccrocher au truc en disant, je sais pas quoi, j'ai rien contre les Italiens, quoi, mais bon, moi je vais pas me féliciter parce que t'as une espèce d'Italien de Normandie qui dit, oui, mais tu comprends, là, quand même, il y a trop de métèques, oui, bon, d'accord, mais je veux bien, enfin bon, moi je préfère des Normands en Normandie, quoi, voilà, les Italiens en Italie, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, oui, mais moi, quand je disais ça, c'était pas pour féliciter le processus qui avait déjà commencé, c'était pour... Non, un petit peu nuancer. Non, non, bien sûr, mais c'était un peu pour nuancer, pour dire qu'il y a eu une accélération. Alors effectivement, ça a commencé par des pays voisins, même encore plus lointain, parce que la Pologne, c'est pas voisin déjà. Et il y a eu une accélération. Ensuite, il y a eu les vagues de Portugais et ensuite de Maghrébins. Donc ça, et ça monte crescendo. Ensuite, c'est les vagues de Sénégalais. Donc c'est crescendo. Et en plus, le pire, c'est que tu vois. Moi, j'en ai connu, parce que j'ai connu des gens d'origine portugaise et d'origine polonaise. Ces types-là s'identifient aux immigrés en général. Alors que les immigrés ne s'identifient pas du tout aux Portos, hein, par exemple. Et surtout, leurs congénères du Portugal et de Pologne ne s'identifient pas aux métèques. Hein. Ah, pas du tout. Mais ils sont là, ouais, parce qu'on a grandi en banlieue, ils s'en foutent les autres s'en foutent. Donc tu vois, t'es toujours le grand remplaceur de quelqu'un d'autre, si tu veux. Et mais bon, les Français ont complètement, enfin les Français autochtones, les Gaulois ont complètement abandonné la lutte. Donc ils sont, enfin, on en est, si tu veux, à espérer trouver des Européens dans les villes de France. Donc c'est paradoxal avec le souverainisme en plus. C'est le souverainisme, ils sont là, ouais, on va recréer la France de Gaulle, je sais pas quoi, indépendante, etc., machin truc. Alors, bon, on peut discuter du projet, je veux dire, mais commençons par le commencement. Ok, vous voulez créer un souverainisme français, formidable. Où sont vos Français? Tu te balades dans les rues des villes de France, il y en a plus, il y a plus de Français, ils sont plus là. Bah, aller dans un supermarché en Île-de-France, dans les grandes villes, je suis sûr, si on les compte, c'est 5%. Ouais, et c'est les Européens. C'est-à-dire que on en est à dire, ah monsieur, oui, alors moi j'ai un quart d'Italien, tu vois, t'en es là parce que les Français ont été complètement remplacés. Alors, ensuite, tu dis, mais c'est quoi votre projet de souverainisme, là, en fait, vous souverainez de quoi? Du machin, de la population, là, qu'on a sous les yeux, du truc, là, c'est ça votre main pas tellement, hein, moi, pour ce qui me concerne. Parce que moi, le souverainisme de Pondichéry, si tu veux, à Clermont-Ferrand, c'est pas tellement ma tasse de thé, je te l'avoue, franchement. C'est pas mon projet, quoi. Tu vois? Je veux dire, je préfère un État super européen, totalement fédéraliste, tu vois, mais ultra raciste, tu vois, avec des Blancs. Tu vois, européen, tu vois. Je veux dire, tu vois, mais ouais, des Danois, des Suédois, tu vois, ce que tu veux, tu vois, des Tchèques, ce que tu veux, mais que des Blancs, tous racistes, fascistes au dernier degré, tu vois, mais que des Blancs, il n'y a que des Blancs là-dedans, des Blonds, des trucs, tu vois. J'en ai rien à foutre de ta France souverainiste, moi, tu vois, siècle des nègres, j'en ai rien à foutre, quoi. Bon. Ah ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que, c'est ça, ces gens qui disent, oui, mais De Gaulle, écoutez, De Gaulle, au moment où il fallait prendre parti pour le Troisième Reich, il n'a pas pris parti pour le Troisième Reich. Alors maintenant, ne venez pas me bassiner avec votre De Gaulle qui a tenu des propos anti-juifs, des propos ci, des propos ça. C'était en 40 qu'il fallait pas rater le coche. Il l'a raté, maintenant, moi, c'est terminé. Une croix sur De Gaulle. Croix de Lorraine sur De Gaulle. Mais t'as raison dans ce que tu dis, Vincent, mais... La momie arrive encore à opérer sa magie. Je suis assez fasciné par ça. T'as raison dans ce que tu dis. Tu dis, bah voilà, on teste un homme politique aux choix cruciaux. Et bah De Gaulle, quand les choix ont dû être faits, bah il n'était pas là. Alors les confidences en privé, en fait, quelque part, aggravent son cas. Parce que si ce qu'il a dit en privé, c'est ce qu'il pensait vraiment, c'était ses convictions profondes, sur les questions raciales, la question juive, même les questions sur l'ordre qui devrait prévaloir dans... C'était ses convictions profondes. Et qu'en privé et qu'en public, il ait professé la démocratie, qu'il ait accepté... C'est terrible! Bien sûr, exactement. Exactement, tu as tout à fait raison. Quand on dit oui, mais en privé, il... Mais voilà, mais ça aggrave son cas. C'était en public. Tu veux dire, moi, qu'est-ce que j'en ai à faire de quelqu'un qui dit « Ah oui, mais en privé, je sais que les chambres à gaz n'ont pas existé. » Oui, mais si tu le dis pas publiquement alors que tu as une certaine surface sociale, mais t'es un traître. Je suis désolé. Je veux dire, voilà, c'est tout. Alors après, tu peux me raconter ce que tu veux en privé. Moi aussi, moi, en privé, moi, je peux te faire le truc. Moi, j'ai dit en public. Voilà pourquoi j'en suis là. Il ne faut pas arrêter. À la semaine prochaine, chers amis. Et merci à tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Force et courage, camarades. À la semaine prochaine. Et ben, à la semaine prochaine. Et merci pour votre écoute.